Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors là, on retrouve une émission de débat, de grand n'importe quoi, et j'ai une table complète avec moi. J'ai à ma gauche Nico. Salut tout le monde. J'ai à la gauche de Nico, Laura. Oui, bonjour tout le monde. À la gauche de Laura, j'ai Adrien. Salut tout le monde. À la gauche d'Adrien, j'ai Nébu. Bonjour à tous. Et à la gauche de Nébu, j'ai Dorothée. Dorothée. Non, putain, pas. À chaque podcast, ça, tu vas pas réussir. Hein. À chaque fois, j'y arrive pas. C'est fou. Salut tout le monde. On a prévu une grosse émission avec pas mal de choses. Donc, on va commencer par une petite news, un petit débat comics qui est que faire pour que les comics d'aujourd'hui parlent de sujets de société. De vrais sujets de société, hein, pas comme ils ont fait pour Miss Marvel, mais j'en reviendrai plus tard. Deuxième sujet, 2020, année blanche pour le cinéma. C'est Nico qui va chroniquer tout ça. La troisième partie, c'est un gros morceau. Ça va être un débat entre Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. J'ai fait plusieurs sondages sur Internet. J'ai les résultats, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc ça sera animé par Adrien et Dorothée. Dorothée, putain. Baptiste, ça sera beaucoup plus simple aussi. En quatrième partie, les mangas pour Halloween, pour qu'on puisse se faire peur le 31 octobre, fait par Laura. Et on terminera par toujours les jeux vidéo pour se faire peur, animés par Nébu. Et du coup, c'est parti pour le premier débat. Donc, le premier sujet de cette émission, c'est que faire pour que les comics d'aujourd'hui parlent de sujets de société. C'était à la grosse mode de chez Marvel dans les années 60 avec l'apparition du personnage de Luke Cage ou de Black Panther qui parlait un peu des problèmes d'afro-américains. C'est pas raciste, afro-américain, rassurez-moi. Non, légalement, t'es beau. Bon, légalement, je suis bon. Donc c'est... Non, mais bon, je préfère me couvrir, tu sais, maintenant, on sait jamais des buts. Non, mais il s'appelle comme ça, donc. Entre eux, d'accord. Aux États-Unis, en France, on n'a pas de statistiques raciales, si on peut dire ça. Mais par contre, aux États-Unis, il y en a. Donc, non, il n'y a pas de. Non, pas des arts. Mais je ne suis pas la police de la. Comment on appelle ça? De la bien-pensance, hein. C'est bon, t'inquiète, tu peux y aller. Mais voilà, donc c'est vrai que à cette époque, il y avait ça, il y avait des sujets assez intéressants, mais. Sur ces dernières années, tout s'est polissé, tout est devenu très gentil. On a eu aussi l'arrivée de Miss Marvel chez Marvel qui parle de musulmans un peu aux États-Unis. Ils ont fait aussi un petit arc anti-Trump qui était, je pense, évitable. Parce qu'on s'en fout un peu de qui est le président, on n'est plus. Ça parle pas forcément de sujets de société, et il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, en Europe. On peut parler y a quand même pas mal de choses comme les crimes raciaux qui sont revenus en force un peu aux États-Unis, parce que bon, c'est un peu le bordel. On parle pas de viol dans les comics, on parle pas de tout ça, et je trouve que c'est un peu dommage. Quelle est votre un peu opinion dans tout ça, Nico, toi qui lis un peu? C'est sûr qu'on a perdu beaucoup. En fait, c'est l'effet Mickey, c'est l'effet il veut être tout gentil. Ça a été critiqué encore pour Kamala au final, quand même ça se débrouille bien. Mais pareil, quand il y a eu le coup de Riri Williams qui reprenait le rôle de Iron Earth pour reprendre la place de Tony Stark en Iron Man et tout ça, vu qu'il s'est mis encore quelqu'un d'afro et tout, c'est vrai que le fait de tout le temps lancer sur la diversité et tout, des fois ça a fait chier certains. Mais par contre, la noirceur, oui, des récits par rapport à avant, maintenant c'est tout gentil quoi. C'est, enfin, moi par exemple, dans le truc Captain Marvel que j'ai lu, c'était genre le méchant, oh là là, t'es un méchant, t'es un peu trop, c'est ouais, non, je sais pas, c'est. Le côté ouais, t'es un homme, c'est pas bien, tu prends des femmes pour des objets, des trucs comme ça et tout. T'es en train de te dire oui, mais c'est pas un truc de méchant, c'est juste un connard, c'est tout. Y a pas... Donc t'as plus de vrais fonds, de vrais trucs et de vrais sujets comme on en avait à l'ancienne. Sauf que le problème à l'ancienne, il y avait aussi des trucs très chelous quand même. Si pour le rappeler, c'était pas Captain Marvel à l'époque, mais c'était Miss Marvel. Carol Danvers qui avait quand même couché avec son fils du futur et tout ça, qui devait coucher de lui ou des trucs comme ça. Non, elle s'est fait violer par son fils du futur. Mais est-ce qu'il savait que c'était sa mère? C'est pas vraiment un viol en vrai, pour l'avoir lu, c'est pas. Non, par contre, t'as le truc. Est-ce qu'elle a dit oui? C'est ça, exactement. Elle a dit non ou pas? En vrai, le fait de dire oui, non, mais t'as eu des trucs comme par exemple Tony Stark qui s'était fait molester par son armure aussi, il y avait des récits comme ça. Aujourd'hui, ça on le retrouve plus vraiment, mais t'as eu des trucs aussi très noirs. Tony Stark alcoolique, tu vois, c'est des vrais sujets. Mais aujourd'hui, maintenant, ils essaient de faire ça. De l'époque, je te parle pas maintenant. Oui, mais. Si. Maintenant, l'alcoolisme, ça s'entretient, Adri. C'est une chose que tu sais faire, c'est bien. J'ai des problèmes. Bonjour Adrien. Après oui, donc par le passé. Mais le problème c'est que même par le passé, j'ai fait une vidéo là-dessus où un des trucs ils ont essayé de bien se faire voir, par exemple pour la communauté noire, qu'ils ont fait de Frank Castle un homme noir. Sans raison, qui après se retrouvait à être pote avec Luke Cage et compagnie, pour lancer plus tard la série Luke Cage, mais au final Frank Castle est redevenu blanc et on n'a jamais compris la logique de ce truc. Donc il y a eu des trucs très noirs, mais il y a des trucs très what the fuck aussi avant. Aujourd'hui, on a juste des trucs tout doux pour enfants, quoi. C'est le problème. Même le Punisher, maintenant, il est presque plus gentil qu'avant, j'ai l'impression. C'est surtout, j'ai l'impression que la société, en fait, société globale, je parle, dans le monde, ils osent pas parler des sujets de la société, justement. Ils veulent rendre ça plus joli, ils veulent qu'on... tout sauf la réalité, en fait. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Aujourd'hui, quand on regarde des films, ouais, c'est un peu de fantasy, c'est mignonné, mais il n'y a rien qui est réel, et ça reflète aucun de ce qu'on vit tous les jours, en fait. Après, je sais pas, ça, je suis à la fois d'accord avec toi et à la fois pas d'accord, parce que dans le sens où c'est vrai pour Disney, Disney c'est le summum de l'auto-censure, c'est-à-dire qu'ils sont à l'affût du moindre bad buzz, on en avait déjà parlé au précédent podcast, donc du coup, effectivement, voilà. Alors moi je vais pas forcément parler de comics, parce qu'en plus, le peu de comics que je lis, c'est soit du Star Wars, donc en termes de, on va dire, pas d'aspérité, Star Wars on est très bien, niveau on fait tout tranquille, tout gentil, même si Dark Vador dans les derniers est plutôt plus méchant que ce qu'il était dans les films. Afra est une vraie salope, hein. Afra est une vraie conne, mais au final elle est ce qu'elle est, tu vois, mais il n'y a pas de truc trash, de trucs comme ça. Après moi je vais lire plus de comics qui sont plutôt indés, et dans l'indé là par contre t'as plein de trucs genre Saga, tu vois, typiquement j'en avais déjà parlé, Saga, mais c'est trash, il n'y a pas de problème de parler de sexualité, d'homosexualité, partout, de machin, voilà, et franchement pas de soucis là-dessus. On pourrait en citer pas mal d'autres. Je peux parler de East of West aussi, qui est un truc complètement what the fuck, mais qui pareil prend pas de pincettes avec ce genre de choses, donc ça dépend où tu vas en fait je pense. Exactement, pour résumer, en gros les grosses, maisons, je veux dire ça, que ce soit les studios, ils vont vraiment plus être gentils, mignonnés, alors que les indépendants, eux, ils vont oser parler entre guillemets, je dis, et voilà, ne pas avoir peur et écrire ou dessiner ce qu'il faut faire. Ça se voit de toute façon, tu le vois dans les séries, par rapport au effectivement on caricature un peu Netflix en disant l'adaptation Netflix, Jeanne d'Arc elle va être black, tu vois, donc oui, ok, moi en vrai je t'avouerai que je m'en fous, mais ça me gêne à partir du moment où ça devient on te le balance à la gueule, tu vois, genre regardez, on a un personnage, il est trans et lesbien. Je trouve que c'est le cas de la plupart des choses. Pas la plupart, il y a des fois c'est fait genre normalement, c'est un personnage et puis on s'en fout qu'il soit homosexuel ou pas. C'est mais t'as des séries où on va te le balancer à la gueule, genre regardez, on a un obèse, on a un trans, genre typiquement le dernier là qui m'a fait chier à mourir sur Netflix, c'était un truc de SF là, j'ai oublié le nom, avec celle qui fait Starbuck dans les Battlestar Galactica. Typiquement, putain, c'est, tu te prenais une affiche Benetton dans la gueule, tu vois, et on t'expliquait, et ça je trouve ça naze, et quand c'est normal, par exemple je prends une autre série, genre Star Trek Discovery, t'as des couples homosexuels, t'as des personnages qui sont blacks, t'as des personnages, mais on s'en fout, tu vois, ils sont juste là, on va pas te faire un truc énorme là-dessus, quoi. Et tout ça pour dire que dans le trash, par rapport au trash, t'as donc effectivement le côté Netflix qui va, je trouve, prendre moins en moins de risques et être de plus en plus consensuel sur ces séries. Ils sont quand même en train de se prendre en procès pour le truc des gamines là. Ça, je pense que c'est de la com. Ça, c'est de la com pro-américaine bien débile. mais donc, ouais, tu mais regardes, en fait, t'as eu beaucoup de mauvaises critiques. Tu regardes un autre truc qui se rattache au comics, c'est The Boys, ouais, sur Amazon. En, parler, ouais. En fait, c'est Amazon qui diffuse une série qui la critique elle-même, en fait, ou qui critique Disney. Voilà, moi je viens de finir la saison 2, j'adore The Boys. Et là, pour le coup, il y a du trash, il y a pas de cul, mais il y a du sang, il y a des ouais, y a de la cul, c'est léger quoi. Ah ben bah, t'avais Preacher aussi de. Oui, Preacher, ouais, pareil, mais c'est les mêmes, c'est pareil, c'est sur Amazon et c'est les mêmes de c'est créateurs même que The Boys. Ah ouais, d'accord. Donc pour oui. le coup, ouais, effectivement, t'auras pas ça sur Disney+. Ah oui. Sur Disney+, on est plus à rallonger les cheveux de l'actrice dans Splash pour cacher l'arrêt de ses fesses, plutôt que effectivement un truc un peu trash. C'est pour ça que j'ai peur hein, aussi sur The Mandalorian. Tu vois, j'aurais bien aimé un peu plus de trash quoi. Enfin, tu vois. Et au final, non. Bah après, c'est du Star Wars, on n'aura jamais du trash. Nanana. Les sabres laser, ils cautérisent quand ils tranchent. Ouais, alors. Non, on va pas rentrer dans un débat Mandalorian, sinon on s'en sortira pas. Pour la sortie de la saison, ok. On parlera de la fin de la saison dans un podcast au mois de mars. Allez, ça, c'est bon. Après, pour parler en comics, pareil, pour critiquer, j'avais parlé de The Boy, le comics, mais pareil, c'est pas récent, quoi. Ça, oui, mais après, c'est l'année, c'est des grosses années. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pareil, on en revient à ce qu'on disait, quoi. Mais. Invincible aussi, c'est pareil, c'est trash aussi. Ouais, apparemment, ouais. Et d'ailleurs, encore une fois, une série qui va sortir sur Amazon Prime. D'accord, ouais. Ok. Mais bon, après, là aussi, il y a un vrai débat à faire sur les SVOD entre Prime et Netflix, parce que, honnêtement, ils en ont... J'ai l'impression qu'on quitte un peu le sujet, mais bon, vous avez l'habitude. Oui, parce qu'on parlait des comics à la base. Mais Netflix va préférer la quantité et va nous sortir vraiment pas mal de séries, 3-4 nouvelles séries par semaine. Et pour en supprimer au final une dizaine. Et alors que Prime Video, ils vont choisir leur projet et ils vont l'amener sur plusieurs saisons. Et par contre, ils vont pas sortir du Prime Exclusive tout. Bah après, c'est pas le même truc. Hein. Netflix fonctionne vraiment en système de studio, enfin pas de studio, mais de distributeur. Ce qui fait qu'ils mettent pas mal de ronds dans plein de trucs partout, donc d'où la quantité. Après, tout n'est pas naze, tout n'est pas bon non plus. Il y en a pour tout le monde, je pense. En fait, voilà, Netflix, exactement. En fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde et à tout le monde. Amazon aussi, au final. Amazon aussi. Vu que t'as moins de choix après sur Amazon. Après, t'as Apple TV aussi qui est en train d'arriver, qui fait des bons films, qui fait des séries qui sont pas dégueu non plus. Donc, je pense qu'on se garde ça pour le sujet de novembre. Ouais, je pense ça, on va se garder. Mais par rapport aux comics, je crois que dans les grandes écuries, il y a un peu plus d'inclusivité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnages homosexuels, il y a des personnages. Ah oui, ils vont. C'est quoi récemment le Iceberg. Mariage de Hulk King aussi, tout ça. Il dira le premier mariage gay qu'il y a eu et tout dans les comics. Oui, dans Empire. Forcément, le moindre truc pour bien se faire voir, ils le mettent à 300%. Alors que moi, Hulk King, c'est un personnage que j'aime bien, mais tu me dis, il va se marier, c'est le premier personnage. Mariage gay, je me dis, mais je m'en fous, c'est son mariage, c'est tout. Non, mais c'est cool, mais ce que tu vois, il y a eu la vague MeToo aux États-Unis. On n'a pas eu de vague MeToo dans des personnages de comics. On aurait appris des choses trash sur des personnages de comics. Alors qu'à une époque, on savait que Hank Pym battait sa femme. Ah ouais, mais des trucs comme ça, il y en a. Ben voilà, c'est. Ouais, mais c'est un peu compliqué parce que écrire un comics. Alors oui, peut-être par rapport aux méchants et tout ça, mais écrire un comics dont le héros... Mais c'est le héros qui battait sa ouais, femme. Ouais, mais du coup, tu peux le faire dans l'indépendant une nouvelle fois, mais pas dans les grandes écuries. C'est, hein, tu vois, c'est le truc qu'ils avaient fait avant. Moi, j'avais fait toute une vidéo où tu vois, par exemple, Hank Pym qui avait traversé des tonnes de trucs où il était passé de gentil à méchant, parce qu'un développement de personnalité, il pétait les plans, des trucs comme ça, il s'est retrouvé en prison, jetait des Avengers et compagnie. Il a eu tout un truc et c'était vraiment trash, c'était très noir. Mais c'était des trucs qu'aujourd'hui, on pourrait plus te remettre. Et c'est ça que je trouve ça dommage, quoi. Un peu plus de sujet d'actualité, parce que bon... Alors, tu vas me dire que je parle tout le temps de celui-là, mais le Batman White Knight te remet en question les super-héros au-dessus de la loi, enfin Batman au-dessus de la loi, et je trouve que c'est pas mal dans l'idée, dans l'esprit du temps de les élites. Parce que c'est un sujet société, ça aussi. Ouais. Les élites qui ont droit à tout, qui ont des passe-droits, et le reste de la population qui est pas considéré, qui doit respecter la loi et qu'on fait chier, tu vois. Et je trouve que White Knight et d'autres comics de Batman le représentent plutôt pas mal, dernièrement, en tout cas, qui remet en question un petit peu l'autorité de Batman, sa légitimité et tout ça, tu vois. Ça. Et dans White Knight, je trouve que là, pour le coup, on est typiquement dans un truc de société. Société, ouais. Donc une nouvelle fois, il y a tout. C'est effectivement c'est trucs, ouais sur des trucs un peu comme le Black Label. Enfin, c'est leur Black Label. C'est leur Black Label. Ils se permettent des choses plus osées, plus adultes. Mais du coup, du coup, j'ai une autre question là-dessus à toi, Jeff, et puis à toi, Nico aussi. C'est quand on lit des comics, est-ce que on en a pas rien à foutre de des problèmes de société, du monde réel? Est-ce qu'on n'a pas juste envie de lire une histoire d'un mec qui va, enfin d'un super héros ou d'un super méchant ou de ce que tu veux, sans avoir une considération sur ce qui se passe et les combats du monde réel et du présent? Ah mais après, c'est-à-dire le reflet même genre actuel du monde réel, la politique, du terrorisme et tout ça, t'es pas obligé, mais t'as quand même un impact où l'univers, quand tu regardes l'univers avec Arkham, Gotham et tout, qui est un truc noir, c'est que justement il retrouve un peu la vérité qu'on t'a aujourd'hui avec des trucs très noirs et compagnie. Des fois, c'est ce que t'as un peu envie, et pas des trucs... Après, les Batman, je ne lis plus en ce moment, mais... De toute façon, les trucs un peu super-héros, à force, ça tourne en rond et tout ça, et c'est le problème aussi de ça. Et c'est pour ça que les trucs, comme tu disais, White Knight, c'est que tout ce qui va pas être canon, et qui va être un one-shot, ou des trucs, ou des univers alternatifs et tout, là, en fait, les mecs, directement, on leur dit, les gars, vous avez le champ libre, vous faites ce que vous voulez, on verra à la fin si on enlève des trucs ou pas, mais en fait, c'est des trucs où, vu que c'est pas canon, ils ont toute la créativité, ils font tout ce qu'ils veulent. Et alors, pour répondre à ta question, faire un comics avec sur un arc complet, un narratif, où tu peux avoir quelques aspects de vie réelle et compagnie, peut être intéressant et ramener un petit plus qui donnera ce comics un terme de culte, tu vois, de passer au-dessus de la chose. Ouais. Civil War qui posait des questions réelles sur les super-héros, hein, encore une fois. Est devenu culte parce qu'en même temps ils en ont parlé, quoi. Ils ont parlé de ce genre de sujet qui était là, qui était intéressant, et c'est en ça que ça fait quelque chose de très intéressant. Bon, l'histoire où Danvers se tape son propre fils qui est à la limite du viol parce que c'est pas vraiment consenti, tu vois, c'est ce détail qui a monté ce comics en rond où tout le monde le connaît et qui est à lire. Et on pense pas à un numéro anniversaire, on pense à cette histoire, parce que c'était sorti sur l'Avengers Song, ou voilà, c'était pendant un arc comme ça. Et si tu veux, c'est peut-être ces petites touches de réalité qui peuvent rendre un comics culte et avoir forcément dans sa collection. Ouais, ok. Du coup, ça te rapporte à une collection, en tout cas toi, en fait. Ça te rattache, en fait, à l'histoire. Tu arrives à te projeter, en fait. Le lecteur arrive à se projeter dans l'histoire, à se dire putain, mais c'est vrai qu'on en parle et compagnie, ça marque plus, et ça marque une histoire, ça marque une décennie. Dans les années 70, c'était Iron Man alcoolique, l'alcoolisme, on n'en parlait pas vraiment, mais bon, Marvel avait osé faire de leur super-héros un alcoolique. C'est un fait de société aussi. C'est un fait de société à cette époque-là. Luke Cage, Black Panther, tout ça, c'était lié à cette période où les Afro-Américains ont réussi à avoir plus de droits et compagnie. Donc c'est vrai que tout ça amène un côté plus réel, et c'est ça qui marque vraiment l'histoire du comics. Après, finalement, moi, je pense qu'il faut que ce soit quand même bien fait, quoi. Pas que ce soit balancé, faut que ce soit balancé à la gueule du spectateur ou du lecteur. C'est comme ça, quoi. C'est d'un personnage où on va juste te dire, tiens, c'est un personnage de couleur ou musulman ou autre, juste pour qu'il le soit. Ouais. C'est le problème, c'est que t'as pas l'empreinte du personnage en soi, tu comprends. Moi, le premier tome de Kamala Khan, ça t'a balancé tellement sur le fait qu'ils sont un peu jeunes musulmans et ça jouait tellement sur le truc, ça m'a fait chier. Mais après, la suite, je l'aimais. Elle était musulmane et ça, mais le personnage était au-dessus de ça. Et du coup, t'apprécies. Mais quand tu joues juste le truc pour dire, on a fait ça, regardez, on a fait ça, on a fait ça. Ouais, quand c'est tarte à la crème comme ça, ouais, c'est ouais, chiant. C'est un peu Jane Foster qui a repris le marteau de Thor, où on dit, ben voilà, c'est la première femme qui récupère le marteau de Thor, donc Thor est devenu une femme, donc on va dire Thorette. Mais voilà, on a par contre un peu plus éclipsé le fait qu'à chaque fois qu'elle utilise son pouvoir, elle perd des années de sa vie, parce qu'en plus elle était cancéreuse à ce moment-là. Mais la plupart des gens qui retiennent la période de Thor avec Jane Foster, c'est que c'était une femme, mais pas le fait qu'elle combattait le cancer et qu'à chaque fois qu'elle utilisait le marteau de Thor, elle perdait des mois de sa vie. Et c'est ça qui... Il faut que les choses soient bien amenées, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. J'ai pas l'impression que les maisons d'édition, les Big Two, veulent tenter ce genre de choses. Peut-être d'ici, avec leur restructuration, ils amèneront ça. Peut-être, je sais pas. Bon, je pense que on a fait le tour du sujet. Ouais. Allez, c'est on bon. En a même pour la suite, pour les prochaines fois, je crois. Ouais, du coup, on connaît un des sujets pour la prochaine fois. C'est très bien. On avance comme ça, et on tease. Allez, du coup, on va pas... du coup, on va passer sur le deuxième sujet. 2020, année en blanche, fait, fait par Nico. Et c'est parti pour le deuxième sujet où on va parler de l'année blanche au niveau ciné, année 2020, année Covid, année rien du tout. Et c'est parti pour toi, Nico. C'est, ouais, c'est l'année de la loose, même pour moi qui ai un abonnement, par exemple, à Gaumont, qui est allé chaque fois au cinéma, c'est un peu la dèche, là. Pourquoi cette année blanche? On a perdu quasiment tous nos blockbusters, ils ont tous été décalés. Quand je regarde, on a Batman qui devait sortir, qui est maintenant décalé, donc enfin, qui devait sortir l'année prochaine, mais qui est déjà décalé à 2022. Ouais. Mars 2022, James Bond aussi, qui a été repoussé en avril 2021. Et... James Bond qui a été repoussé trois fois quand même, si tu veux. Mais... Ah, la loose quoi pour James Bond. Si on part sur ça, il y a quoi? Il y a Wonder Woman aussi, hein. Et puis alors, Top Gun 2 quoi, putain merde. Mais putain, Top Gun, merde. Les gars, mes notes, laissez-moi. Mais ouais, il y a Top Gun, il y a Dune. Qui est décalé de plus d'un an même. Ouais, plus d'un an. Plus d'un an, parce que je crois que maintenant c'est décembre. Non. J'avais vu. Ah non, c'est octobre 2021, il devait sortir en décembre. Il y a même The Kingsman, justement, qui devait sortir là prochainement, qui a été décalé. Et le problème, c'est que c'est que le début. C'est... On a encore quelques petits trucs. J'ai vu. On a quelques films qui devraient sortir. Je croise les doigts, par exemple. Pour Kaamelott qui a déjà été reporté une fois. Alors, c'est très intéressant que tu parles de Kaamelott parce que c'est le moment où jamais pour Kaamelott, parce qu'il y a plus de grosses sorties. Tout le monde va pouvoir se ruer et il va pouvoir battre tous les records. Exactement. C'est ça. Après, de ce que je regardais, il y a Peninsula qui doit sortir, la suite donc, du dernier train pour Busan qui doit sortir aussi. Et dans les autres films, il y a Free Guy qui est en décembre. Et l'autre film qui devait sortir, c'est le prochain Pixar, sauf qu'il a été annoncé maintenant en SVOD sur Disney Plus pour décembre. Pour le 25, pour Noël. C'est pour ça, 25, pour, ouais. Pile poil pour Noël. Et c'est vrai qu'on remarque que ça c'était le truc du SVOD, ça a été fait pareil pour Bloodshot. On a ça pour Mulan aussi, où il y a eu une polémique pendant un moment, est-ce qu'ils voulaient faire payer, je crois, $30. Ils le font payer aux États-Unis, mais chez nous, c'est non. Mais en France, ils ont refusé, par contre, ça arrivera qu'en décembre. Par contre, je pense qu'ils ont un peu pipoté les chiffres, hein, parce qu'ils ont dit que ça avait marché de ouf, après, et tout ça. À payer $30 le film et tout ça. Je suis pas persuadé, moi je pense qu'ils ont un peu pipoté. Ouais. Quand même. Après, je crois qu'il est quand même sorti au cinéma en Chine. Oui, il est sorti en Chine. Mais ça en fait Chine. Un vrai flop parce qu'ils ne supportent pas l'actrice qui est pro hongkongaise. Bah, voilà. Il y a eu une polémique, ouais, je crois qu'après le film, justement, elle était partie et tout, c'était le bordel. Une grosse polémique par rapport à ça. Ouais. Bref, et du coup, même côté Disney, donc on a eu tout des décalés. On a Black Widow qui est en mai. Chose très étrange, les Éternels a été décalé en novembre et Shang-Chi a été décalé en juillet. Ce qui fait que Shang-Chi, qui devait être derrière les Éternels, repasse devant. Chose, je sais pas pourquoi. Et donc, côté série, c'est pareil. On a WandaVision qui devait sortir plutôt vers 2021, il me semble, qui a été avancé cette année, qui doit sortir bientôt. Et Falcon and the Winter Soldier, on ne sait pas si finalement ça va sortir cette année ou 2021. Donc c'est bizarre de se dire que côté série, vu que c'est sur leur plateforme, ils peuvent le sortir et tout. Mais côté cinéma, ils décalent tout. Parce qu'au final, quand je regarde, j'ai vu les chiffres. Ok, les chiffres du cinéma et tout ça, quand je regarde le nombre entre 2019 et 2020, outre mars, avril, mai, ou bon, ben, cette année c'est du quasiment zéro, c'est normal. Mais après, de base, on est quand même sur. En juin, juillet, on était entre 90% et 70% donc, de taux d'audience par rapport à 2019, donc on avait 10-30% moins. Là, c'est vrai qu'on retourne plutôt sur du 60%. Mais on est quand même sur un bon chiffre quand on regarde, parce que bah, au final, le gros blockbuster qu'on a et qu'on a eu, qui est le seul, qui est Tenet, qui est quand même, par rapport à ceux qui étaient sortis début 2020 et tout, le troisième meilleur film côté entrée. Ouais, mais alors attends, à noter, parce que en fait, c'est justement la sortie de Tenet qui a fait que tout ce que tu viens de dire juste avant a été reporté. Parce qu'il a marché en Europe, Tenet, vraiment bien. Il a marché comme un blockbuster. Le problème, c'est que les distributeurs américains, ils en ont rien à foutre du marché mondial. Ils veulent les chiffres du marché américain. Et le marché américain, il a fait que $35 millions. Et c'est une catastrophe, c'est pour eux. Donc du coup, Tenet, en fait, est considéré comme un flop par les distributeurs parce que les chiffres aux États-Unis sont juste catastrophiques. Et donc derrière, bah, c'est pour ça que Warner elle a décalé tout son planning, Disney a décalé tout son planning et se rabat sur la SVOD pour les trucs qui peuvent pas être décalés. La Paramount a décalé tous ses plannings et à la base ça devait être décalé sur cette fin d'année, notamment James Bond et Wonder Woman, et finalement à cause de Tenet et des chiffres, des mauvais chiffres américains une nouvelle fois, bah c'est tout décalé. Donc tout ça à cause du marché américain, parce que nous ça a très bien marché. Au final, le film, je crois, il a coûté 200 millions et il en a rapporté 305 millions, 315 millions sur l'exploitation mondiale. Donc c'est pas dégueu. Il y a des films qui ont eu des suites qui ont fait moins. Ouais. Et c'est juste parce que il s'est croûté aux États-Unis parce que toutes les salles sont fermées. Ouais, toutes les salles sont fermées et que les gens ils veulent pas sortir là-bas. Donc malheureusement, on va payer, entre guillemets, enfin les fans de Blockbuster que nous sommes, on va payer les problèmes des Américains là-bas, alors que nous, tout se passe bien. Alors est-ce que du coup on va aller plus au cinéma? Je vais pouvoir voir des films français, je sais pas. Ça, c'est la grande question en fait. Écoute, je vais te dire mon cas personnel, puisque moi j'ai un abonnement chez Gaumont. J'y vais deux ou trois. J'y allais normalement en temps normal, j'y vais deux ou trois fois par mois. Là, je t'avouerai que le dernier film que j'ai vu, c'était Net. Et j'ai vraiment pas très envie de voir toutes les comédies françaises sociales qui sortent. J'ai pas vu Ténet, je te rassure. Mais il va pas tarder à arriver sur Canal, donc je m'inquiète. Mais quand ce sera encore en salle qui sera sur Canal. Il est toujours en salle. Je vais essayer d'aller le voir la semaine prochaine. C'est chaud quoi. Mais après, ouais, donc est-ce que les petites productions ont plus de chances maintenant de marcher un peu par rapport à ça, ou est-ce que les gens finalement ne vont pas aller au cinéma comme toi? C'est vrai que j'ai vu Ténet même deux semaines d'affilée. Après, il y a une semaine où je suis allé voir une comédie française qui passe, mais sans plus, qui était La Daronne. Là, nous, hier, on allait vite fait voir un petit film d'horreur au cinéma. Après, il y a Lupin qui vient de sortir au cinéma aussi. Ouais, avec Omar Sy, ouais. Tu vois, c'est pas des trucs qui me hype de ouf, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est des trucs que, genre, je me dis, je vais aller le voir parce que je paye une carte et je vais me forcer à la rentabiliser, tu vois. Voilà. C'est pas des trucs où, je sais pas, je serais passé devant l'affiche, je dis, ah tiens, je vais aller voir ça, tu vois. Je me souviens à l'époque où j'avais la carte et je voyais énormément de films et des films que j'aurais jamais cru voir sur la carte. Non, mais moi aussi, mais là, c'est tous j'avais quand même là. Des bonnes surprises. Après, c'est vrai que les comédies françaises à la con, voilà, mais après, en France, tu vas voir le 30 jours max qui est le futur film du groupe de La Chaux, tu sais, de Babysitting, qui va sortir. Tu vas voir Kaamelott qui va arriver. Ouais, c'est 117. C'est février 2021. Ouais, mais bon, théoriquement, pareil, OSS 117 n'aura pas de public, il n'aura pas de film devant américain qui devrait jouer. En fait, jouer, tu vois, moi, c'est ça le problème, c'est que le cinéma français, c'est que de la comédie ou des films, des drames sociaux, tu vois. Pour faire méchant. Non, mais le problème, c'est que du coup, là, vu qu'on va nous proposer que ça, c'est ça qui va marcher, entre guillemets. Et quand on va voir les chiffres 2020, on dit, ah, regardez, les films, les comédies, ça marche toujours. Mais ouais, mec, il y a que ça. Je veux dire, quand est-ce qu'on aura un film, un blockbuster SF c'est français, tu vois. C'est une anecdote vraie, déjà, de base. Le film Balle perdue, là, qui est sorti sur Netflix, qui est une tuerie. Ils ont fait le tour des studios en France, ils ont tous dit non parce qu'ils ont dit les films d'action à la française ça marche pas. Mais c'est des Netflix l'a financé, ils l'ont sorti. C'est une tuerie. Alors que t'as des exemples. L'année dernière, il y avait Le Chant du Loup qui est sorti. Ouais. C'était un war movie à la française, c'était génial. Alors, ok, il a marché, je pense, il a attiré du monde parce qu'il y avait un casting de ouf. Oui. Mais il était génial comme film, il était super bien filmé, c'était du war movie, tu voyais des vaisseaux de guerre français, et voilà, et ce serait bien un peu plus de trucs comme ça que des drames qui se passent dans une tour de la Seine-Saint-Denis, tu vois. Ou dans le Luberon d'un vieux écrivain qui est en panne d'inspiration. Enfin, tu vois, c'est toujours les mêmes trucs, quoi. Est-ce que tu n'es pas scénariste pour les films français début? Non, mais j'en connais et je peux te dire que quand ils proposent des trucs un peu originaux, c'est exactement ce que tu dis, c'est que ah ouais mais non mais ça personne ne regardera. Mais ils ont compris à un moment donné que ce qui faisait déplacer les gens, c'était effectivement les grosses productions et tout ça. Oui, puis des trucs à la comédie, c'est des trucs à moitié racistes ou des trucs comme ça aussi. Ça c'est un peu changé, mais c'est un peu toujours la même chose, quoi. Oui, tu vois. Par contre, mais c'est ça. Après, je dis pas, je suis client aussi, j'en ai vu plein, rien que cette année, tu vois. Mais là, tu vois, si cette année, effectivement, si je devais retenir un film que j'ai vu hormis Tenet, ce serait Underwater avec le truc là un peu de monstre sous l'eau là dans la Christine Stewart et Vincent Cassel. C'était cool, voilà, c'était frais. Et malheureusement, je n'ai retenu que ça cette année parce que j'ai pas grand chose. Je suis allé voir des films français, mais ils sont tellement tous pareils. Ah non, les films français, j'ai quasiment. C'est pareil, j'en vois plus. Mais par contre, c'est vrai que des fois, tu vas voir des films qui tentent moins ou des trucs comme ça, mais même avec la carte avant, je. Mais moi, par exemple, c'est vrai que j'ai vu, c'était une petite surprise, le film Chômeur, qui est un petit film indépendant d'horreur et tout, mais c'est des trucs un peu. Mais oui, et le problème, c'est que du coup, bon, par rapport à cette année blanche et ce manque de blockbusters, et que comme on l'a dit, par exemple, toute la plupart des comédies françaises, on n'a pas envie, pour sauver le cinéma, qu'est-ce qu'il doit faire, quoi. Je sais qu'en ce moment, on voit beaucoup, ils nous sortent souvent des vieux films, surtout moi, je vois les soirées frissons, et là, maintenant, avec la période Halloween. On remet les griffes de la nuit du Conjuring. Moi j'étais allé voir l'Exorciste, ils avaient fait une soirée dessus. Tu peux pas faire ça quoi, à un moment tu peux pas faire que ça. Le problème c'est qu'ils ont Ils ont choix. Que ça, ouais, ils ont pas ils le choix à l'époque. Là pour faire des entrées, parce que là, bon bah effectivement, un film français ou un film brésilien ou un film russe de machin, bah tu vas faire une dizaine de personnes sur une salle de 200, tu vois. Tu sors un Interstellar. Bon bah là ça remplit, tu vois. Gaumont ils l'ont sorti plusieurs fois le Interstellar, ils l'ont remis. Ils ont fait pas mal de films là qu'ils ont transféré en Dolby et tout ça. Ça leur permet de rentabiliser leur salle qui coûte une blinde. Ça leur a coûté méga cher l'installation de la salle Dolby. Donc du coup, des films qu'ils ont déjà eu dont ils ont déjà eu les droits, ils savent que ça va faire rentrer du monde. Bon, pourquoi pas, écoute. Hein, mais comme dit Nico, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix parce que sinon, ils mettent la clé sous la porte. Quand je regarde actuellement la Gaumont, ils nous font les semaines là de la 4DX à ressortir des films. Les films, c'est Edge of Tomorrow, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, t'as Black Panther, l'autre film, il y a Peninsula, et je crois qu'il y a encore un autre film, c'est Le Livre de la Jungle. Mais le pire, c'est que le problème, ils font ça, mais presque à perte. Parce que par exemple, la 4DX, ils disent, ouais, c'est le festival de la 4DX, mais moi j'ai regardé, parce que je m'intéressais un peu, et t'as bien un moment marqué en plus, le supplément de base que tu payes pour la 4DX, il dit, gratuit pour les abonnés. Donc peut-être les abonnés qui ont la carte, eux, ils vont avoir une séance sans payer, alors au moins tu payes un supplément, des trucs comme ça. Donc presque, ils veulent remplir les salles. Mais d'un côté, ils y font la perte aussi. Ils se disent peut-être, soit déjà, vont y aller avec des amis, et les amis vont payer les suppléments, des trucs comme ça, ou j'en sais rien. Ouais, parce que des fois, ils font un peu des trucs à perte. Bon, c'est pas avec les. Excuse-moi, c'est pas avec les 100 grammes de MLM, ça à 7,50€ que. Voilà. Après, les abonnés qui connaissent pas la 4DX, s'ils payent pas, ils peuvent tester. Pour aller prochains films, ils sont. Aussi, oui. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, en tout cas, tout ce qui est petit ciné, là, actuellement, c'est la merde. Et on l'a vu, rien que la polémique avec Mulan qui fait normalement aller sortir en. SVOD, peut-être payant et tout ça, on a vu des mecs qui avaient des cinémas qui pétaient la pancarte et tout pour montrer leur colère. Ouais. Parce que justement, on leur sort tous les trucs qui pourraient les aider. D'un autre côté, et tous les blockbusters sont repoussés. Je vois pas. Alors, Mulan est un cas, mais bon, il y a eu Artemis Fowl qui a été déjà repoussé sur Disney+. Mulan, c'était le deuxième. Donc, tu avais cité Bloodshot. Il y a Soul, c'est vrai, c'est le troisième Soul. Enfin, voilà, tu as eu quand même pas mal de films qui ont été repoussés sur les SVOD, mais. Un moment ou un autre, en 2021, on va être bouché au niveau des. Non, mais même le truc que je Alors, il y a films. Ça et il y a les prix aussi. Parce que mine de rien, la SVOD, c'est 15 balles par mois, on va dire, en gros. 15 balles, c'est le prix d'une place de ciné quand t'as pas le. Je trouve que. Là, par contre, là où j'aimerais en tout cas que ça leur mette un coup dans la gueule à tous les salles de cinéma, c'est par rapport à leur prix prohibitif du ciné. Nous, on a la carte. Alors, ok, moi, je paye 20 balles par mois. Je vais voir 3 films, tu vas rentabiliser. Mais je la rentabilise pourquoi? Parce que quand j'appelle un pote, je dis. Tiens, tu vas, on va voir tel film. Il dit ouais, mais moi c'est 12,50€. Ouais, 12,50€, tu te fais assassiner pour un film et puis t'as intérêt à l'aimer le film quand tu vas aller voir à 12,50€, hein, putain. Mais c'est pour ça, moi je fais des soirées et tous mes gars on a tous la carte. Mais bah ouais, t'es obligé. Donc du coup, j'espère aussi par contre que la contrepartie c'est qu'ils vont baisser les tarifs. Mais ça m'étonne rien. C'est ça va juste faire fermer les petits et c'est tout. Et voilà, exactement. Les petits vont fermer et puis les Gaumont. C'est ceux qui ont les plus bas prix. Exactement. Et les Gaumont, maintenant ça va passer à 15 balles, même pas 3D ni rien quoi. Et le problème, alors le truc qui est con, c'est que techniquement c'est reporté, mais t'as une partie des films qui sont terminés. Combien de fois on a vu des films qui sortent des fois des mois de différence entre deux pays? Donc ils pourraient le sortir en premier temps en Europe ou le truc ouais, comme mais ça, avec oui, mais ça, tu peux avec Internet, maintenant, c'est plus possible. Voilà, maintenant, ouais, maintenant avec Internet, ils le font ça plus. Ça se fait encore parfois. Mais non, c'est mais parce rare. Que regarde, c'est simple, tu sors un film par exemple, je sais pas, moi, admettons, on parle de Top Gun. Allez, Top Gun 2, tu vois, il est pris, il est fini, il est fait. Il devait sortir en juillet dernier, tu vois. Donc là, admettons, ils disent, bon, le marché européen, il fonctionne, on va le sortir sur le marché européen. Il sort en Angleterre. Bah, il sera directement téléchargé aux États-Unis et tu perds tout le marché États-Unis. Alors que si, par exemple, bah, je sais pas, moi, le cas de Mulan, par exemple, si Mulan, tu vois, il avait sorti juste en Chine, bah, le reste du monde l'aurait téléchargé. Alors que là, bah, tu le sors en SVOD, bah, tu payes la SVOD, c'est rentable. Tu vois, et la plupart des gens téléchargés, c'est pas simple. C'est simple quand tu connais, mais quand tu connais pas, c'est pas simple. Alors qu'à une SVOD, bah, tu souscris, t'allumes et ça marche, tu vois. Du coup, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est soit tu décales pour rester dans le système de distribution cinéma, soit tu sors sur un système SVOD, mais parce que t'as les épaules d'avoir un système SVOD aussi. Quoi. Et le problème de décaler, on peut arriver sur des problèmes un peu à la New Mutants, où finalement, s'ils doivent faire des. Ils se disent, tiens, on a terminé le film, et ah mon dieu, cette scène ne va plus, on va essayer de faire un reshoot, et que les acteurs ont pris un an, deux ans de décalage. Ah, mais c'est mais à un moment, il faut que ça sorte. Même si ça part sur des SVOD, tant pis pour les cinémas. Mais à un moment, il faut que les choses sortent à un moment ou à un autre, parce que tu peux pas boucher le marché. Tu peux pas sortir en SVOD, t'as juste le côté Disney qui fait ça, mais les autres. T'as eu le cas Bloodshot, mais c'est un des rares cas qui l'est fait. Ouais, c'est pas faux, je suis en train de réfléchir. Et... c'est quasiment que du Disney, t'as Mulan, t'as Soul qui font, t'as. Et si, t'en as quelques-uns qui sont sortis sur Amazon. Des films français notamment. Des films français qui sont sortis sur Amazon. Mais après, Netflix, ils ont pas trop fait ça parce qu'eux, ils ont leur propre prod, donc ils ont continué. Après, c'est vrai que quand on pense, quand on voit le côté américain, la Warner, ils ont pas fait ça, mais ils ont HBO Max. Mais bon, qui n'est pas accessible en France, donc à un moment ça bloque. À moins qu'ils fassent une sortie HBO Max et une sortie en France, mais dans ces cas-là, on peut arriver sur le même problème où les gens peuvent le télécharger. Voilà. Donc c'est vrai que les seuls qui sont bénéficiaires de ce système-là, c'est Disney parce qu'ils sont quasiment partout. C'est ça. Et sur cette conclusion, je pense qu'on va passer sur le prochain débat. Peut-être, Adrien, tu n'as rien à rajouter, non? Okay. Non, je sais pas, je te propose comme ça. Bon, bah écoutez, on va passer au prochain sujet qui est le grand débat GT versus Super. Fight! Et nous voici déjà pour ce troisième sujet. Un débat qui va être cool, je pense. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans tout ça. On va faire un petit débat sur qu'est-ce qui est le mieux entre Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Je vais vous laisser présenter, hein, les gars. C'est votre taf. Hein. Ouais, donc Dragon Ball GT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la suite de Dragon Ball Z, sortie uniquement... Techniquement, Super, c'est la suite. Oui, mais je vais préciser que... Non, on va dire que quand c'est sorti l'année des diffusions, c'est ce qui est sorti après Dragon Ball Z. Oui. Ouais, c'est pour ça que je voulais dire. J'allais dire justement que c'est sorti de 96 à 97, pour un total de 64 épisodes. La suite n'est pas considérée comme canon et uniquement en animé, pas en manga papier. Voilà, pour la présentation de ça, on a reçu les aventures du coup de Goku, Trunks et Pang à peu près, on va dire, 10 ans après la fin de Dragon Ball Z, puisqu'on voit Oob qui a à peu près un adolescent, donc une quinzaine d'années, et ils vont devoir partir à la quête des Dragon Ball dans l'espace suite à un quiproquo avec Shenron, pour faire simple. Je te présente Super. Et donc du coup Super, donc là c'est ça se passe quelques années après donc la victoire contre Boo sur Terre. Donc année de diffusion, donc ça a été diffusé du 5 juillet 2015 à 25 mars 2018. Donc pour un total de 131 épisodes avec plusieurs arcs dans cette C'est stoppé maintenant, Super? C'est en pause pour l'animé. Alors, ça a été arrêté. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a eu un film canon, du coup, qui est la suite de Super, qui est Dragon Ball Broly. Ouais. Qui est vraiment utilisé comme la suite de l'animé. Ouais, parce que c'est le premier film où il y a marqué du coup Dragon Ball Super. Ouais, qui, alors que non, c'était Dragon Ball Battle of God. C'était DBZ. Ouais, c'était DBZ. DBZ de Battle of God et Résurrection FF. Et Résurrection FF. Qu'ils ont repris après, qu'ils ont réadapté dans la nuit. Dans les débuts d'épisodes de Dragon Ball Super. Alors, avant que vous arrachiez la peau, Rodam, Laura, t'as vu GT, t'as vu Super? Non, rien. T'as vu Dragon Ball? Dragon Ball Z? J'ai pas voulu voir la suite, c'est ça. Eh ben, t'as bien fait. Nico. J'ai vu un peu des deux, super un fragment. Alors, déjà dès le début quand j'ai vu qu'ils avaient pris les films, au final je me suis dit ils se foutent de ma gueule quoi. Donc j'ai vu après des morceaux d'épisodes quand j'allais chez Adric de temps en temps voir ce qui se passait. Et j'en ai vu un peu, mais c'est ouais, il y a du bon et du pas bon quoi. Alors, tu préfères quoi entre les deux? Bon de base. j'en veux plus quand même. Le problème c'est que Super, j'ai pas tout vu, mais j'en veux plus à GT qu'à Super. D'accord. Nébu. En vrai, franchement, j'ai vu une partie de GT parce qu'on m'a forcé. Après, je suis pas un grand fan du DB. De Dragon Ball Z, Dragon Ball en général. Donc, je t'avoue que bof quoi, ça me touche pas trop. Pourtant, c'est ta génération. Exactement. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est là où, par contre, là où du coup je trouve que Super. Alors attendez, on précise parce que oui. Moi j'y connais rien. Super, c'est un remake en fait des Dragon Ball Z, c'est ça? Non, c'est la suite de Dragon Ball Z. C'est la suite qui se passe quelques années après Dragon Ball Z. Dragon Ball Kai qui l'a reprenait. Ouais, Dragon Ball Kai, c'est la version HD. C'est la version HD avec des recettes retravaillées. J'allais dire les Dragon Ball Super ont été diffusés à la télé sur une des chaînes TNT, je crois. Oui, parce que je sais que typiquement, alors moi j'aimais pas trop Dragon Ball, mais un de mes grands frères lui adorait ça, et que ça a été un bon moment et un bon moyen de découvrir et faire découvrir à son gosse, à mon neveu du coup, Dragon Ball, puisqu'ils regardaient ensemble le samedi matin, lui il kiffait parce que c'était la suite. Mon neveu il kiffait parce que c'était un dessin animé quoi. et du coup là pour le coup je pense que l'interface de connexion de génération est intéressante, mais je m'arrêterai là sur ce débat puisque c'est pas du tout ma cam. Alors moi vite fait j'ai de bons souvenirs avec les deux, que ce soit GT ou Super, mais par contre il y a quelque chose qui me gonfle énormément avec Super, c'est je compte sur les doigts de la main les épisodes où il n'y a pas de tournoi. J'ai l'impression qu'il y a que des tournois dans Super et ça me gonfle très très rapidement. Au contrario de d'autres, il n'y en a pas du tout en fait. Oui, à contrario de Z qui a quasiment pas de tournoi. Il y en a un petit à un moment. Il y en a deux. Il y a deux tournois. Sur l'arc de boue et sur l'arc de sel, il y a des tournois. L'arc de boue, alors là. C'est quand même un tournoi là-bas. C'est pour ça que Goku revient sur Terre. Oui. Donc voilà, mais bon. Je trouve que dans Super, il y a quand même pas mal de combats. Dans Super, pour moi, il y a trop de tournois et puis forcément, on termine sur une Battle Royale et ça, je me suis. Allez, maintenant, je vous laisse débattre. Attends, t'as peut-être présenté les arcs pour ceux qui n'ont pas vu rapidement. Ok. Donc Dragon Ball Super, donc il y a eu plusieurs arcs. On va dire que le premier arc, ça a été donc la reprise de Battle of God, donc du film. Qui a été loupé et c'est de la grosse merde. Voilà, on va pas se cacher. Hein. Le film ou. Non, la série animée, quand ils ont repris. Moi je défends Dragon Ball Super, mais faut pas se cacher les yeux. Les débuts c'était de la grosse merde, j'ai même pas regardé. Bien en termes d'animation. L'animation, puis du coup, les dessins c'était nul. Il y avait pas de musique, il y avait rien. C'est étiré. Ah ouais, c'est étiré à mort quoi. Il y a 14 épisodes. Ouais, 14 épisodes pour Battle of God. 1h30, je crois le film. Ouais, c'était 1h30. Je crois que les deux. Résurrection F, pareil, épisode 15 à 27. Ouais, il y a 13 épisodes, ouais, pareil. C'était pas top non plus. Il y a même eu une pétition qui a été faite à la Toei pour qu'ils mettent plus de budget et plus de trucs d'argent dans la série parce que tout le monde était déçu. Il y a eu le problème à un moment, les dessins étaient dégueulasses. Ouais, c'est ça, ouais. C'est là que j'ai arrêté déjà parce que c'était devenu n'importe quoi. Ouais. Dans les 27 premiers épisodes. Voilà, et sur 131, ça va. Mais après, du coup, il y a eu une rectification du coup de la boîte de Toei Animation. Et là, on a eu donc un nouvel arc qui était le dieu de la destruction Champa. Donc on découvrait en fait un nouvel univers donc, qui était un univers parallèle à celui qu'on connaissait par rapport à Goku et un nouveau dieu de la destruction, donc Champa, qui est un peu le frère de Beerus. C'est le frère de Beerus. Ouais. Et ensuite on a eu quelques épisodes filler, mais pour passer ensuite pour moi, mon arc préféré de Dragon Ball Super, qui est Trunks du futur, avec Zamasu. Qui est un truc. Ça m'intéresse. Ah, mais c'est pour moi, c'est le meilleur arc de. Ouais, vraiment de début. Super. Oh non, mais clairement. Et ensuite, on passe donc à quelques épisodes filler encore, mais très peu. Les jours des mangas. Ça fait quand même 15 épisodes filler sur 130. Non, c'est, je crois que c'est... Il y a 9 épisodes filler après Zamasu et 5 avant. Ouais, 14 peut-être. Ouais. Mais alors attends, moi je t'arrête là. J'ai une question. Parce que pour moi, des épisodes filler, c'est des hors-série pour compenser... on va dire non, là, les entre saisons en attendant que les mangas c'était pas forcément mais attends il y a pas de manga sur Dragon Ball Super il est sorti après. Alors du coup pourquoi ils nous cassent les couilles avec des épisodes filler? Bah alors c'était pas forcément des petits hors séries mais ouais c'était plus c'était regardez des histoires de vie. Gohan pendant que Goku est en train de casser la gueule de Black Goku. C'était plus pour partager de revoir des personnages qu'on voit pas. Ouais voilà c'est ça ou ouais, mettre en place des nouveaux personnages comme le frère de Vegeta. Voilà. voilà c'est juste pour dire ça. Et après il y a eu donc du coup l'arc de survie de l'univers qui est le grand arc de finale quoi. Donc, qui dure 55 épisodes. Ouais 77 à 131. Voilà. Pour GT, on va se retrouver juste avec 4 arcs. Un arc de présentation avec recherche des Dragon Ball. C'est une merde. Franchement, pour l'avoir regardé... Oh, mais moi, je l'ai re-regardé. Hein. Pourquoi t'as pas aimé? Parce que franchement, t'as plein de références à des films. Ça reprend l'esprit des Dragon Ball. Pas Dragon Ball Z, vraiment, à l'ancienne. Ouais. Ils vont de planète... Enfin, pas de planète double, du coup, ils se baladent pour trouver les Dragon Ball et tout. Avec plein de références. Et ça met en place tous les arcs qui vont arriver par la suite. Donc là, donc ça dure à peu près 20 épisodes. Ouais. L'arc de Baby Vegeta... qui dure 18 épisodes, qui s'enchaîne après avec l'arc de Super C17, et on finit avec l'arc des Dragons Maléfiques qui dure une quinzaine d'épisodes. Donc des arcs qui durent à peu près entre 15 et 20 épisodes à chaque fois. C'est ça. Voilà. Très bien, c'est gros blanc. Allez-y, fightez-vous, faut rester gentil entre nous quand même. faut rester si on n'est pas d'accord. Avec Jeff, on n'était jamais gentil dans nos débats. Donc ouais, mais alors est-ce que c'était vraiment des débats entre vous? C'était plus des engueulades. Bah alors attends, moi je vais donner un courant alors. Je vais poser une question. C'est pourquoi est-ce que dans Dragon Ball GT ils ont tué un des meilleurs personnages de la série, à savoir Trunks, qui est super badass dans Dragon Ball Z et qui est une fiotte finie ouais, dans GT quoi. La moustache de Vegeta, c'est quoi? Même ils ont pas le même passif. De quoi? Ils ont pas le même passif. Deux Trunks, oui, d'accord. Ils ont pas le même passif quand même. Alors que là, tu suis un mec qui a quasiment toujours vécu en paix sur Terre, qui du coup vit dans la famille la plus riche sur Terre et qui doit gérer la société de ses parents. Ouais. Il s'entraîne plus. Il est quand même très musclé, mais il s'entraîne plus. Mais alors, tu vois, le truc, c'est que par rapport à DBZ, il y a eu une rivalité qui s'est mise entre Sangoten et Goten et Trunks et qui n'existe plus. Alors que tu vois, c'était plutôt à chaque fois s'entraîner et combattre pour être toujours plus fort que l'un et l'autre. Ils étaient enfants, ils ont grandi après. Je pense que c'était un truc qu'ils auraient pu. Après, je suis d'accord qu'il y a plein de trucs qui ne va pas dans. Les deux personnages insupportables qu'on se tape tout le long de la série, à savoir Pan et puis le petit robot. Ils sont juste insupportables. Mais après, dans GT, t'as des personnages au moins. Alors que dans Super, c'est Goku et Vegeta. Non. Je peux pas te dire ça. Franchement, ils ont rajouté, tu vois, genre Hit, tu vois. Genre Hit, c'est un nouveau personnage avec des nouveaux pouvoirs, avec des buts, et je trouve que tu vois, ça fait. Pseudo méchant. Mais c'était pas forcément. C'est la rivalité, je suis d'accord. Hit, c'était pas un méchant, c'est un personnage qu'on te présente comme quoi, voilà, c'est un des meilleurs assassins de l'univers. C'est méchant, c'est juste un assassin. Ben, c'est un assassin, mais qui est payé, c'est comme un gage en fait. Il est payé pour. Est-ce que Boba Fett est méchant? Non, mais. Voilà, exactement, tu vois. Bon, on le paye, voilà. Et le truc, c'est qu'il est pas foncièrement méchant, c'est ça que je veux dire, tu vois. Du coup, il n'y a pas de méchant dans Super, à part Zamasu. Sur 130 épisodes, t'as aucun méchant. Et non, enfin ouais, t'as à part Beerus, mais au final il est gentil. Bah Beerus, bon, Freezer c'est du déjà vu. Beerus c'est chaotique. Oui, c'est chaotique. Il est gentil parce qu'il y a de la bonne bouffe quoi. Il est chaotique. C'est un chaotique neutre. Il a la bonne bouffe et pourtant il. Voilà. Freezer c'est du déjà vu. Ouais, bah. Hit c'est pas vraiment un méchant. Zamasu, bon, c'est un méchant. Ah, Zamasu, et après le grand tournoi à la fin. Bah, t'as pas de méchants non plus, ils se battent juste pour sauver leur univers parce que sinon ils, bah, ils sont désintégrés. Ouais, mais c'est un, tu vois, c'est un nouveau thème par contre, tu vois, c'est un thème qu'on avait jamais vu de. De quoi, sauver l'univers? Non, de plusieurs. Le tournoi, le tournoi. Alors, le tournoi c'est un nouveau thème et sauver l'univers c'est un nouveau thème? Mais merde! Putain, mais qu'est-ce que j'ai loupé pendant toutes ces années? Non, mais je veux dire, des univers qui sont pas foncièrement méchants entre eux mais qui doivent du coup s'entretuer, enfin. Non, mais en vrai, dans Dragon Ball, il n'y a pas de méchants. Il n'y a que deux méchants dans Dragon Ball, c'est Freezer et Cell. Et sinon, tous les autres, ils ont une rédemption. Ils viennent, enfin, tu vois. Bah, Bou, à moitié. Même Bou, il est gentil. Ouais, mais on parle de Petit Bou, par exemple. Ouais, mais Petit Bou. Ouais, mais Gros Bou, il est tout mignon. Ouais, voilà, à la base, il n'est pas spécial. Il va faire des câlins, il va t'en faire aussi, une fois après, ça c'est autre chose. Ça, c'est un détail, ça. Il n'y a pas vraiment de méchants dans Dragon Ball, quoi. Ouais. C'est du shonen pour. Après, j'allais te poser la question, est-ce que dans Super, il y a des meufs? Parce que Dragon Ball, il n'y a jamais une meuf. Ah bah tu vois, justement, il y en a plein dans Dragon Ball. Et pour ça, c'était un peu chiant. Il y en a deux. De GT, ce qu'il y avait bien dans GT, même si elle était insupportable, c'est qu'il y avait Pan, tu vois, donc ça faisait un petit peu un renouveau. Mais à part Bulma et C18, il y a C18 quand même, en plus qui revient même lors de. Ouais, qui est pas mal dans l'arc du tournoi, qui combat pas mal. On a le retour de C17 aussi. Officiellement. C'est pas une fille, mais. Non, mais. Mais non, mais. On parle de coup, fille là. Ouais, mais. Si, après, il y a Kael et Kofla dans l'univers 6. Kofla, après, t'as Ribrian et. T'as Ribrian aussi. Ouais, ou celui-là, je vous une belle. Ouais, bon, c'est elle est un univers. Pour le coup, mais au moins, c'est une fille. Voilà. C'est un univers, il n'y a que des filles en fait. Ouais, ouais, c'est un univers, il n'y a que des filles, tu vois. Donc. Mais voilà. Alors que dans GT, il y a des vrais méchants. Dans GT, ouais, vrai méchant. Alors, bah, Baby Vegeta, franchement, j'adore. Bah, Baby Vegeta, enfin, Baby, parce que Vegeta c'est plus tard. Ouais, Baby, il fait quand même l'intrigue sur les 50 premiers épisodes. Parce que, en remontant les épisodes, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est lui qui crée tout. Tous les conflits quasiment de la quête des Dragon Ball avec Gigi, parce que c'est lui qui crée Gigi. Le Docteur Mou, le colonel Rild, il se recrée lui-même avec Baby Vegeta. Et Super C17, c'est lui qui le construit. Donc t'as 50 épisodes, tu vois, sur un gros méchant. Même si Super C17, ça m'a pas. Ça m'a pas plus que ça. Dans le GT, il y a deux arcs intéressants, les dragons et Baby. Après, tout le reste est quasiment à jeter. Il faut que je. Je te jure que moi les premiers épisodes ils m'ont fait chier. Non mais c'est pour ça. Entre Goku qui revient de petit, du coup faible. Trunks qui à la base devait être fort, c'est une merde, et Pan qui essaye d'allier les trois, tu vois. Et la moustache de Vegeta. Et la moustache de Vegeta. Faut savoir qu'il la rase. Parce que la rase. Mais bon. Il y a quand même deux arcs qui est mort. Après, tu vois. Et puis en plus, en gros, dans tout GT, qui c'est qui sauve la peau à tout le monde? C'est Goku. Oui, bah ça, bah ça a toujours été dans Dragon Ball. Ouais, mais. À part l'arc Cell où Gohan il s'était mis en avant parce que. C'est pour devenir une lavette derrière, c'est ça. Attends, ils ont essayé. Dans Super, non. Ils ont essayé. Ils ont raté. Ils ont essayé, tu vois, de lui remettre un peu un esprit combatif, tu vois. Sauf que, alors par contre, dans GT, c'est devenu une grosse tata. Après, c'est l'évolution. Le personnage ne veut pas se battre à la base. Il est obligé de se battre. Non, mais oui, voilà. Mais c'est un gentil qui veut devenir un scientifique. En fait, quand il était gamin, il s'est fait torturer par un mec tout vert qui le tapait pour l'éduquer. Alors, forcément que t'as pas envie. Alors, par contre, dans Super, il y a l'arc Zamasu qui est bien. Et il est génial. Mais j'ai un point négatif pour Zamasu. Mais, et t'as aussi la résurrection de Freezer. Tu veux faire enfin, franchement, la résurrection de Freezer, pour moi, c'est du. Enfin, c'est déjà vu quoi. Non, Freezer c'est... qui revient une énième fois. Ouais, une énième fois, mais bon, ça marche, tu vois. Et ça marche parce que Freezer, c'est le méchant préféré des Japonais. Oui, voilà, mais ça marche. Ça suffit. Ouais, ça marche. C'est quoi. Et l'explication de merde, pourquoi contre... il est si fort? Bah, je me suis jamais entraîné, je me suis entraîné 3 mois, du coup, je suis plus fort que tout le monde. Mais tu vois, par contre, moi, ce que j'ai apprécié dans Super, c'est niveau graphisme, ils ont su. Réévoluer par rapport au début, tu vois, où ils ont été très critiqués, mais en même temps, ils n'avaient pas le choix, mais il y a eu encore une autre évolution entre l'arc de Trunks et l'arc de la survie de l'univers. Il y a eu encore un autre effort de fait, et ils sont allés sur justement une panel de couleurs un peu plus sombre, les traits de personnages beaucoup plus prononcés, ce qui pouvait même un peu rappeler un peu certains passages de Dragon Ball Z, tu vois. Et ils ont fait vachement d'efforts sur ça, même sur niveau animation, des combats. Franchement, on a eu des planches et des épisodes, mais trop hypant, quoi, franchement. Ouais, même au niveau des musiques, je suis d'accord avec toi. Et des musiques, franchement, ils ont même, tu vois, ça m'a fait même rappeler, tu vois, la transformation, la légendaire transformation de Gohan en Super Saiyan 2, tu vois, la première fois que tu le vois, où ils avaient mis une chanson vraiment avec des voix, tu vois, pas que un OST, tu vois. Et ils ont même fait ça, ben, du coup, pour l'ultra instinct de Goku dans l'arc de survie de l'univers. Ils ont refait un peu un truc comme ça où ils ont mis vraiment une chanson avec un peu des voix, tu vois, enfin chanter quoi, tu vois. Mais comme l'apparition de Zamasu, quand ouais. Il fusionne, il y a une pareille musique avec des chœurs et tout qui passe voilà, super bien quoi. Et ça, je trouve que du coup, d'avoir remis un peu ce goût en plus, ben, j'ai grave kiffé. Franchement. Alors. Pour essayer de clôturer un peu, à moins que vous avez d'autres choses à dire. Non, j'avais juste parlé de l'animation de GT qui disait qui est quand même très propre pour l'époque. Non, franchement, après, regardé, voilà. Ce qui est bien, c'est que autant, tu vois, ils ont. Je pense, de ce que je rappelle de GT, parce que je ne l'ai pas revu, il n'y a pas eu d'évolution, on va dire. Non, mais c'était beau, mais c'était propre et bien tout du long. Ouais, tu sens qu'il y a des blocs qui sont moins travaillés que d'autres avec des réutilisations de plans à certains moments. Ouais, mais bon, ça, tout le monde le fait à la limite. Surtout à l'époque. Mais même, t'as plein de trucs qui font référence à des films. Et tout dans le terme d'animation et tout, ça fait hyper propre. Enfin, pour l'époque, quoi. Tu suis Dragon Ball Z, tu passes voilà. Dragon Ball GT, tu vois pas vraiment de réelle différence. Tu te dis pas, ah ouais, tu sens qu'ils ont moins de budget ou quoi. En fait, ouais, moi ce que je me suis vraiment retenu de GT, c'est que tu passes Dragon Ball Z et j'ai trouvé qu'il y avait presque une régression de certains personnages vraiment par rapport à GT, tu vois. Pas forcément sur Super, au contraire, ils sont encore allés plus loin après. Mais moi, le truc Super, c'est juste c'est Goku et Vegeta qui pètent tout le monde, quoi. Ça qui me. C'est... Alors, ils éliminent tout le monde, donc ça me saoule, quoi. Tu vois, alors que dans le GT, 17, alors que dans... il est balèze quand même. Moi, je trouve qu'il y a des combats, tu vois. Spoil pour le combat final, mais enfin. Ouais, mais. À part se cacher et attendre, il fait pas grand chose, quoi. Ouais, je sais pas, il y a eu des épisodes quand même, je sais pas, mais bon, oui. Alors, je sais pas si vous l'avez dit, mais GT, ça a été pas créé par Akira Toriyama. Non, je l'ai pas dit, effectivement. Mais par des fans. Alors que. Par des fans GT bah oui, c'est des fans. C'est un mec qui était ultra fan, qui a demandé l'autorisation. Ah oui, d'accord, à Toriyama. Oui, quand même. Ah oui. Ouais, non, c'est pas des mecs qui ont fait les. Mais c'est pas une fan base. C'est Toriyama qui a scénarisé, hein, faut être précis. Alors que Super, c'est si Toriyama qui supervise. Mais du coup, GT, c'est canon ou c'est pas canon? C'est pas canon. C'est pas canon. Pour le moment, c'est pas. Pour le moment, enfin. C'est pas canon. Le truc, c'est que dans ce qu'on va dire est canon en ce moment, donc par rapport à Super. En fait, niveau temporalité, on n'est pas encore à GT, en fait. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Tu vois, on n'a pas rattrapé le tempo, Super, tu vois. C'est 6 ans avant GT. C'est 5 ou 6 ans après Dragon Ball Z. Ah, et GT, ouais, même c'est... Pas, je crois que c'est encore moins. Moins je crois que c'est 2 ans. Et GT, c'est genre 10-15 ans après. Okay. Tu vois, t'as quand même okay. On n'est pas encore rattrapé GT. Ok. Donc, est-ce que ça va rattraper ou est-ce qu'ils vont faire un lien entre les deux? Moi, franchement, je pense pas. Je pense pas non plus, parce que vu les évolutions... Ouais. Ce serait pas canon. Enfin, ce serait pas raccord par rapport aux transformations. Oui. Même que, vu que là, dans GT, ils se battent dans quasiment tout l'univers pour récupérer Dragon Ball. Dans Super, ils vont aussi dans l'univers, quand ils doivent... Ah oui, non, j'avais spoilé le prochain arc. Ouais. Alors, vite fait, juste pour information, j'ai fait un grand sondage un peu partout, sur Twitter, sur Instagram. J'ai vu sur Insta. Sur quelques groupes Facebook okay. Également. Donc, j'ai récupéré quelques petites perles du monde. Et puis, je dirai le résultat final du sondage quand même. Hein. Donc, il y en a un qui m'a mis sur un groupe Facebook choisi entre la peste et le choléra. Hein. Perso, avec du recul, je m'arrêterai à Dragon Ball. Ouais, on oublie Z et on oublie... Non, je peux pas entendre ça. Que le manga papier, Dragon Ball, c'est tout. C'est donc savoir s'il parlait de l'animé ou quoi. Non, il a précisé. Voilà, j'assume préférer GT à Super, même si l'arc Black était l'un des meilleurs de la série. C'est ce qui revient souvent, je pense. C'est ce qui revient souvent. Ouais. Alors, le résultat, c'est du 50-50. Ah ouais? Internet n'arrive pas à se départager. Ah ben voilà. T'as pas les bons fans. Non, alors, franchement, même quand moi j'en. Parce que c'est un débat qui revient même en dehors de micro, mais c'est vrai qu'il y a. C'est souvent 50-50 quand même. Bah, quand il y a du bon et du moins bon dans les deux. En fait, il y a du bon et du moins bon dans les deux, tu vois, c'est ça. Quand on regarde un peu le résultat un peu plus précisément sur le réseau, sur Instagram, c'est Super qui gagne, mais d'un point. Ah ouais? Ouais. Nul, pardon. C'est 5 sur Insta. Ok. Twitter, c'est 4 pour Super, 0 pour GT. Et après, ça serait équilibré avec Facebook. Mais où. Entre le réseau de jeunes et le réseau de vieux, tu vois, donc, là, ils ont tous GT parce que c'est vieux et les autres. C'est à peu près ça. Donc 14 pour Facebook, pour GT et 10 pour Super. Donc ça. Ça reste quand même un débat qui est bien serré. Et ouais, moi, je pense qu'on a vraiment tout dit en 20 minutes. Hein. Moi, vous avez je pense qu'on a bien balancé. Ouais, après, comme il l'a dit au début, je suis d'accord avec lui. Super, c'est l'occasion aussi des plus anciens de faire découvrir aux plus jeunes aussi. Bah, à l'époque, c'était le cas de GT aussi. Ou GT, c'était la FBZ, mais GT, ça enchaînait direct. GT, c'était plus confidentiel et c'est pas passé à la télé surtout. Ouais. C'est GT, sur. C'est... Ah non, bah enfin. C'est passé sur Manga. Ouais, manga, ouais. Mec, fallait payer 40 euros d'abonnement à CanalSat pour pouvoir le mater. C'est toujours TéléSat à l'époque. Ouais, bon, enfin, ouais, encore pire, tu vois, le truc qui marchait pas, moi j'habitais à la campagne. Et encore mon grand-père d'avoir CanalSat. Je squattais tous les après-midi que je rentrais d'école chez lui. Si juste je peux me permettre, justement, par rapport à ça, moi j'ai pas trop kiffé Dragon Ball, mais peut-être que maintenant ce serait différent, parce qu'en fait, à l'époque, c'était que le mercredi matin. Tu regardais ça le mercredi matin, t'avais 20 minutes d'épisode où par exemple les épisodes de Cell où un épisode un combat ça va durer 18 épisodes, tu vois. Donc tu tapais une semaine où t'avais juste 20 minutes de blabla où en fait il doit se passer 5 minutes pendant les 20 minutes d'épisode. Et t'attendais une semaine suivante, et en fait, t'avais l'impression qu'il se passait rien, et moi, vraiment, ça me faisait chier à l'époque. Maintenant, tous les regarder d'une traite, ce sera peut-être justement, plus... Justement, peut-être avec les... Si tu allais refaire les Kai, ce qu'on parlait tout à l'heure, du coup, une version qui sont retravaillées, recut, avec des scènes qui sont refaites. Par contre, ce qui est bien par rapport à GT, c'est t'enlèves le générique et tout, donc t'as à peu près 3 minutes d'épisode entre le générique et le résumé. T'as 15 minutes où ça avance vraiment, et après, t'as le générique de fin, quoi. Bah c'est pour ça moi je préférais Nicky Larson. Au moins chaque épisode il se passait un truc. Ça, c'est autre chose, c'est encore, oui. Chaque épisode il se passait un truc. Après non, moi je suis plus Team Senseiya, mais bon ça. Ouais. C'est un autre débat. Et justement, on va pouvoir passer maintenant au manga d'octobre. Et c'est parti pour le quatrième sujet où Laura va nous parler des mangas pour passer une bonne nuit d'Halloween. C'est ça. Alors plus exactement, je vais pas vraiment parler des mangas, parce que pour moi, les gens, s'ils veulent voir des mangas d'horreur, ils vont sur Google, tapent manga d'horreur, ils ont une liste. Mais du coup, je vais vraiment parler des principaux mangaka, donc horreur et thriller, qui pour moi, parce que je les ai pas tous lus, ont marqué vraiment ce genre en fait horrifique. Du coup, je pense qu'il y en a un qui va être d'accord avec moi, et le premier qui assez récemment on se fait connaître, c'est Gutanabe, qui a repris les œuvres de H.P. Lovecraft. Donc l'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées, les couleurs tombées du ciel et dans l'abîme du temps. Mmh. C'est ça. Donc lui, on est vraiment dans un style... Non mais oui. Tu me l'as fait lire, il manque deux à lire. C'est vraiment un style vraiment de l'horreur. Il faut savoir que Lovecraft, c'est un des maîtres de l'horreur dans le monde. Donc avec ses romans, l'appel de Cthulhu qui se fait connaître. Et du coup, Gutanabe qui a repris les éditions Kiyun avec, j'ai envie de dire, un partenariat, oui, non, avec Bragolone du coup. Parce que bon, les éditions de livres, c'est aussi Kiyun et Bragolone qui l'ont fait. Faut savoir. Ah, c'est pour ça, la belle collection. Exactement, oui. D'accord. Le simili-cuir, c'est Bragolone qui le fait. C'est pour ça que du coup, il y a la paix de Cthulhu, il y a le manga, mais il y a aussi la version, c'est pas vraiment de la BD, mais belle collection de livres. Ah, Bragolone, sorti, en fait, oui. C'est ça, voilà. Il y a plusieurs éditions sur Lovecraft. Donc là, on est vraiment sur de l'horreur fantaisiste. Vraiment, clairement. C'est un mélange. On est quand même dans un monde fantastique, pardon, pas fantaisiste. Où on. Dans les époques, elle est au moins. 1920. On est quand même dans de très très vieilles époques. Hein, Lovecraft. Oui, oui. Très vieille. Après, c'est. Du siècle, quoi. On parle du siècle dernier. Ouais, mais après, c'était l'époque un peu de Lovecraft déjà de base. Bah, lui, de toute façon, il est mort en 1930. Mais il s'est fait connaître après sa mort, de Lovecraft. En plus, ses œuvres s'est fait connaître. C'est ça. Grâce à Internet, il s'est fait connaître en réalité. Donc, on a vraiment Gutanabe qui. C'est pas une mode, mais il se fait connaître. Parce que c'est. J'ai envie de te dire, Kiyun ne parle quasiment que de ça maintenant. Voilà. C'est un dernier halluciné. En tout cas, chaque tome, oui. Parce que c'est un truc. J'ai envie de dire, je sais pas, mais sur Kiyun, je pense que c'est rare qu'il fasse des collections aussi belles. Ah non, ça c'est ça, sûr que c'est la seule. On est d'accord. Alors après, Kyoon, de manière générale, oui, leurs mangas sont beaux. Ah mais moi je suis, enfin, oui, je suis à fond. Tu, ouais, tu prends les... J'en ai pas mal. Oui, si, si. C'est Alpine. C'est Kyoon qui le fait aussi. Ouais, magnifique. Tu vois, la couverture, elle est un peu en relief, tu sais. Ouais, mais c'est ça qui est super. Moi, c'est les dimensions W où il y avait des effets fluo et en relief. Oui, dimensions aussi, W, je connais, ouais. Mais Kyoon, en général, font des jolis jaquettes. En plus de Braglone, je pense que c'est un peu plus late, non ? Au niveau de la couverture. Ah, ben, Magnus, c'est comme pour la Reine d'Égypte. Ouais, exactement. Ils en ont fait plein. Illustrer Kyoon avec les belles couvertures comme. Bon, là, c'est Isabella Bird. Mais ils ont fait à peu près la même chose pour Reine d'Égypte. Comme ça également, ouais. C'est très bien, j'adore. Mais ceux qui sont jolis aussi, c'est les Bright Stories. Oui. Les couvertures sont vraiment sympas, nos Bright Stories de Kyoon. Mais bon, là, c'est pas du tout l'horreur. Eh, hey, ça y est, ouais, bienvenue dans les débats comics, où au bout de 3 minutes, on est parti ailleurs. C'est notre spécialité. Et tu t'y mets au bout du deuxième. Ça, bien, ouais, voilà. Bon, on a compris Kyoon, je pense que. Globalement, ouais, ils ont de belles œuvres, les couvertures, elles vont avec l'œuvre. Enfin voilà, du coup, effectivement, là, ils ont encore un plus, j'ai envie de dire, avec Gutanabe qui reprend Lovecraft. C'est quand même du travail de titan, parce que les dessins sont très réalistes, ils sont en même temps, les pages sont très dark, très sombres, ça met tout le temps dans du foncé, dans du détail, c'est. Bon, ça, c'est trippant, quoi. Mais parfois, angoissant. Ah, mais c'est. Je sais que l'abîme du temps, j'avais adoré ce côté horreur, angoisse, et justement, plusieurs temps en fait, les périodes passées, présentes. Enfin bon, en raison des Kyoon aussi, j'ai fait, c'est pas voulu, hein, mais du coup, je pense que vous allez quand même connaître Kai Sambe, qui a fait Icos et Erased. Qui est quand même sorti en film aussi, donc en film d'animation et en Netflix. Exactement. Ouais, ouais, Netflix. Qui pour moi, alors c'est pas vraiment de l'horreur, j'ai plutôt que c'est du thriller. Ouais. Mais je trouve que c'est pas angoissant, mais c'est vraiment très bien tourné. Psychologiquement, j'ai trouvé dingue ce moment-là. Puis moi, je trouve que ça correspond pour Halloween, parce qu'il y a l'aspect groupe d'enfants, tu vois. Oui, on y retourne, et donc j'en parlais justement. Dedans, quoi. Ça commence avec un type qui a 28 ans. Il a un pédophile, quand même. Tu te tournes vers moi en sortant et pas en disant ça. J'ai envie de te dire, c'est un peu ça. Ouais, c'est, hein. C'est le fond de l'histoire. Ouais. C'est le fond de l'histoire, c'est un peu ça en fait. Hein. Mais c'est en fait, c'est un héros qui a 28 ans, qui a un don, il peut remonter le temps, alors généralement c'est 30 à 5 minutes en arrière, quand un drame va se passer. Et le but, il doit arrêter le drame. Sauf que ça part un peu en couille, hein, vous allez dire, mais en fait il retourne carrément dans son enfance. Et en fait, ensuite toute une aventure, donc c'est aussi très sombre quand même. On a... Mais là où c'est ouf, c'est qu'il revient pas genre à la Retour vers le futur, où c'est lui adulte qui est témoin, enfin qui arrive dans le monde de là où il était gamin, c'est non, il revient dans son corps de gamin. Et il se rend compte que bah, c'est lui enfant et que peut-être qu'il va pouvoir changer les choses ou pas. Et c'est trop bien. C'est enfin, moi j'ai génial, adoré en fait. Ce... Moi j'ai adoré. Donc là j'ai commencé Icos, du coup le dernier qui est sorti actuellement. J'aime beaucoup aussi, mais là c'est avec deux jumeaux. En fait, donc il y a son jumeau qui est décédé et du coup il a ressenti la mort de son jumeau en fait. Donc il ressent la douleur de son jumeau, les émotions qu'il a vécues quand il est mort et ça aussi c'est un thriller qui est pas mal. J'ai pas lu les autres de KSMB. Donc il y a L'île aux zombies. Je sais plus comment ça s'appelle. Il en a fait d'autres, mais moins connus. Et il a fait en tout, quand même, c'est 15 œuvres qu'il a fait. Ce qui est pas mal. Mais ça ne bat pas le dernier, qui a fait 20 œuvres. Et c'est Mais c'est que des one-shots, c'est différent. C'est que des one-shots, mais il est considéré comme le maître de l'horreur au Japon. Attention. Donc là, on est quand même sur du niveau, et c'est édité la plupart chez Tonkam. Donc malheureusement, c'est moins connu. Les gens le connaissent moins. Il a fait quoi comme œuvre? Il a fait. Vas-y, cherche un attendant. Mais lui, c'est vraiment. Assistant. Je suis pas ta secrète. Assistant. S'il vous plaît, assistant. Un café raison, aussi. Non, lui, c'est le maître de l'horreur. Il fait vraiment. Par contre, lui, c'est du pur horreur. Voilà. Là, on est vraiment très esprit. Un côté un peu artistique au niveau des dessins. On retrouve. Moi, je trouve ça gênant et angoissant en fait. Il a un style très particulier. Ouais, en fait. Il a un style très particulier. Qui je pense qu'il a dû plaire, parce que bon, c'est quand même le maître de l'horreur au Japon, quoi. Après, c'est quand même des vieilles œuvres. C'est. Shinto, on parle sur des mangas assez vieux, quoi. Voilà. Et c'est à l'horreur à la japonaise, quoi. Ouais, décalé. Monaco et compagnie, quoi. C'est très, très décalé. Je sais pas, toi les nains, tu vois, c'est Frankenstein, je sais pas. Moi qui aime pas l'horreur, je crois que tu vois. Il y en a plein, c'est quasiment que des one-shots en fait. Mais c'est que des one-shots, c'est pour ça que je te dis de préciser, 20 œuvres c'est bien, mais c'est que du one-shot par rapport à l'autre qui en fait une quinzaine, mais si tu fais des séries. Mais quand même, les one-shots, ça peut être quand même plus gros qu'un manga basique aussi. Donc, ouais. Tu vois, tu peux faire des one shot, voilà quoi, t'es beau one shot. Je veux dire, Gutanabe, Les Montagnes Hallucinées, c'est deux gros tomes comme ça quoi. Oui. Vois, sauf qu'à côté, t'as La Couleur tombée du ciel qui est la moitié d'un tome. Oui, mais bon, je trouve que dans tous les Gutanabe, les histoires sont bien beaucoup. Attends, à savoir que Lovecraft, il faisait pas mal de nouvelles en fait. C'était pas un romancier. Il fait quasiment que des nouvelles. T'as des trucs, ça fait trois pages des fois. À part Les Montagnes Hallucinées qui était un vrai roman. C'est normal qu'il y a pour l'adaptation manga, tu passes du manga classique au demi-manga parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, mais quand tu regardes, tu peux pas allonger la chose en fait. Moi, après Gutanabe, j'ai lu du Lovecraft. Quand tu regardes L'Appel de Toulouse, c'est une vingtaine de pages en vrai. Ouais. C'est pas un livre, c'est vraiment un truc tout petit. Mais c'est justement ce que je trouve, c'est que Gutanabe a quand même réussi. Alors, je l'ai pas lu L'Appel de Toulouse. Mais il a quand même réussi à donner plus en fait à l'histoire avec les dessins, il a quand même rajouté des pages et c'est ça qui est génial en fait. Et puis surtout grâce à Gutanabe, on voit pas que Lovecraft était raciste. C'est le gros truc que j'ai remarqué par après, rapport tu au vois livre. Pas, et... Faut lire en deuxième et troisième lecture, mais c'est pas non plus ça te saute pas à la gueule quand tu lis les bouquins. J'ai lu L'Appel de Cthulhu, alors ce soit le traducteur qui soit raciste. Il y a des moments c'était des alors limites. Oui, dans L'Appel de Cthulhu, oui, mais dans Les Montagnes Hallucinées, oui, non, Les Montagnes Hallucinées, c'est différent. Moins, quoi. Il n'y a pas effectivement de référence aux races inférieures. Mais non. Après, moi, c'était d'époque également. Effectivement, il y en a un, il a fait. À un moment, il faut remettre les jeux dans le contexte également. Il s'est dit, tiens, je vais aller conquérir la Pologne et j'ai buté tous les juifs. Mais c'est d'époque, mec, il n'y a pas de souci. Mais non, mais j'ai pas lu Lovecraft, mais si tu veux, à une époque, dans les années 20, on considérait l'afro-américain comme de la sourde. C'est merde, je l'ai dit. Il n'y a pas que les afro. Non, bon, bref, tu vois, on repart encore. On fait pas. C'est pas pour cela que c'était vrai. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas pour ça que c'était vrai, mais c'était d'époque en fait. Donc à un moment, c'est comme. Non, on va partir sur notre débat, ça sert à rien. Oui, non, on va éviter ce genre de. Mais c'est vrai que je crois que même Gutanabe, il n'y a pas de personnage de couleur dans les mangas en fait. Ils y sont. Bah, si, ils sont en noir et blanc. Oui. Mais c'est parce qu'après, de base, dans Lovecraft, t'as peu de personnages de couleur. Dans L'Appel de Cthulhu, tu l'as pas lu, mais non, tu les vois. Le et donc, Gutanabe les représente, mais les Montagnes Hallucinées, ils sont tous blancs parce qu'en fait, directement. Ils sont tous à l'université en fait. C'est ça, oui, voilà. Mais à l'époque, ils avaient pas les sous pour ça. Oui. Non, mais bon, mais après, non, bon, c'est bah, même enfin, la je pense la pas que ce soit vraiment le lieu pour refaire encore le procès de Lovecraft. On savait ce qu'il était. Donc, voilà, ces histoires, bah, elles sont torturées parce que il était. Hein, donc, ah, mais oui. Ah, oui. J'ai commencé à lire le Necronomicon et la partie en fait autobiographique, hein, parce qu'il faut savoir qu'il a aussi un peu raconté comment il a découvert ça. C'est. Oui, il était perché. Ouais, il était perché. C'est lui, il récit perché, le mec, il était perché. Ok, merci Adrien. Bonne intervention. C'est ça. Ça, c'est une intervention quali. Ouais. Mais c'est... Après, manga horreur, comme j'en discutais un peu ce matin avec toi, je trouve qu'il y en a. Fin... On va surtout retomber sur des trucs de zombies, des trucs un peu bateau en fait. Des huis clos. Des trucs plus thriller par exemple, où t'as les Dopt et tout ça, où ils doivent tous s'entretuer. Ou du King's Game, ou des trucs comme ça. Mais c'est la même chose. Oui, c'est voilà, un peu c'est de pareil. Horreur, c'est... Mais... Qui d'ailleurs, c'est aussi de Kiyun d'ailleurs. Non, moi par contre, horreur que j'adorais, mais qui est plus réédité. Donc si Soleil, vous m'entendez, voilà, si on peut avoir plus d'impact, un manga d'horreur que je kiffais quand j'étais gamin. C'était Higanjima, l'île aux vampires, mais là, les couvertures des tomes, tu flippais, la façon de dessiner tout le récit, c'était génial, c'était vraiment flippant. C'est figé, ça. C'est. Toi, t'aimes pas ça, les trucs de non, horreur Non, ça, c'est pas non, ma c'est gueule, pas c'est ta pas caf. Ma caca, non. C'est cette angoisse qu'on a de A à Z, en fait, qui est libre. Et moi, je l'ai retrouvée dans justement Kaisanga, en fait, cette angoisse. Alors, une question, est-ce qu'on peut considérer Kentaro Miura, donc le mangaka de Berserk, comme quelqu'un qui fait, entre guillemets, un peu d'horreur? Moi, je dirais que oui, personnellement. Mais je dirais oui également. En fait. Voilà, plongez-vous dans cet univers parce dark. Que... Non. C'est très dark et il y en a quand même des moments où c'est. Mais le Golden Age, ouais, c'est flippant. Le Golden Age, il est. Ah, si, il est pas flippant par rapport au. Non, mais j'ai pas lu tout, j'ai pas encore lu le reste, mais au moment où Griffith bascule. Ah, ben là, ah oui, mais c'est un moment sous tout le Golden Age. Ouais, oui, mais en fait, faut le dire, la partie du viol, clairement, c'est un truc d'horreur. Ah oui, bah là, oui. Là, lequel, là, après, c'est de Guts ou celui de. Non, de Guts. Personnellement, moi, j'ai été choquée. Mais ah oui, mais c'est choquant. Et puis en plus, ce qui est ouf dans ce passage. Il peut parler là. C'est pas l'horreur. Berserk. Oui, je suis là. C'est que vraiment, c'est pas juste mis en arrière-plan, machin. Il y a vraiment. C'est vraiment très psyché, tu vois. Mais les réactions de même des gens autour de Guts qui pètent un câble. Qui, mais t'as plein au moins. C'est tellement violent, mais la réaction, c'est ouf. Il y a une scène qui m'a marqué, je crois, le village, pour la première fois, on voit la petite sorcière, comment elle s'appelle déjà ? Shirk. Shirk, voilà. Où t'as le village, t'as une maison qui a un feu, et tu vois les monstres en train de bouffer un être à l'intérieur. Mais juste cette image, tu vois, ça me reste gravé dans l'esprit, parce que c'est une des centaines de visions d'horreur que t'as dans Berserk. C'est ça. Mais pour moi, je pense qu'on peut mettre Berserk comme dans de l'horreur, oui. C'est clair. Et sinon, Baptiste, Nebu, un petit manga de l'horreur comme ouais, un mangaka Oui, j'en avais un, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Yamato Hideo. Il a fait deux mangas. Il a fait Adam et Ève en deux tomes. C'est un thriller un peu spirituel sur avec des yakuza qui sont enfermés du coup dans un bar. Et il y a deux personnes qui veulent les buter. Ils doivent essayer de deviner qui ils sont et pourquoi ils font ça. Et c'est aussi le scénariste de Ichi the Killer. Ah, ça c'est intéressant. C'est un. Mais ça a jamais été édité en France, je crois, ici. Si, ça a été édité dans les années 2000, quelque chose comme ça, mais l'édition maintenant sont hyper. Ça a été. C'est hyper rare à trouver, c'est genre. Ouais, c'est un des trucs que je 30 ou 40 euros le tome, il y en a 10, quoi. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est. Après, voilà, est-ce que c'est de l'horreur parce que c'est quand même assez violent, ça aborde des thèmes, les yakuza, les. La violence dans les quartiers, tout ça. Après, effectivement, je pense que la définition de l'horreur dépend vraiment des personnes, en fait. Moi, je considère quelque chose d'horreur où psychologiquement, ça va me marquer, en fait. J'ai aussi un peu avoir peur, parce que horreur, pour moi, ça va avec peur, mais je pense que ça peut varier selon les personnes, en fait, l'horreur. Oui. Il y en a qui vont avoir peur des zombies et d'autres plus des esprits, en fait. Enfin, pour moi, les zombies, pour moi, c'est pas de l'horreur. Enfin, je considère pas ça comme vraiment. Pure horreur, en fait. Oui, bah, pour moi, l'horreur, c'est quelque chose d'intrigant. Une histoire avec une intrigue, quelque chose d'inquiétant, tu vois, on sait pas ce qui va arriver, on sait pas d'où ça vient, pourquoi c'est là. C'est pour ça que j'aime énormément Goûter à la vie, parce que pour moi, c'est vraiment de l'horreur. T'as ce culte, en fait, de Cthulhu, en fait, que tu sais pas trop, et t'as vraiment l'intrigue derrière, t'as les personnages, tu vois, qui parfois ils pètent les câbles, ils sont. Et pour moi, ça, c'est vraiment de l'horreur, en fait. T'as un début ? Non, j'ai pas de manga à vous proposer parce que déjà j'en ai pas. Je sais pas vraiment un domaine, en tout cas dans. Mais ouais. On regarde toute sa collection, tu vois. On essaie de chercher pour toi. On explique aux auditeurs, on tourne chez moi et en fait on est dans un endroit où il y a toutes mes étagères à comics et à manga. Effectivement, ils sont en train de regarder s'il y en a. Non, et franchement, le seul que tu vas trouver, c'est Dopt. Ouais, mais moi je dirais. Je suis désolée, c'est pas vraiment de l'horreur pure, mais je dirais Fullmetal Alchemist. Parce qu'il y a quand même des scènes de fou. Ouais, mais c'est loin de l'horreur. Ouais, c'est loin. Mais dans ce cas-là, Death Note aussi. Ouais, Death Note aussi, si tu vas pas. Tu vois. Mais quand même, on en revient à ce que tu disais, ça dépend des gens. Ouais. Parce que moi, je sais que. Moi, j'ai vu, quand j'étais toute petite, personnellement, ça m'a traumatisé, Full Metal. Ouais, je comprends. Voilà, je le dis. Oui, il y a certaines scènes. Après, il y a des scènes, je suis désolée. Oui, il y a des scènes. Ouais, non, c'est vrai. Voilà. Bon, ceux qui ont vu animé, ils ont compris, mais. Mais non, sinon pour les mangas horreur, non, j'en ai pas vraiment parce que je dois avouer que l'horreur à la japonaise, ça me saoule un peu. Pas forcément sur les mangas, mais par rapport notamment au cinéma. Genre des films comme The Ring Darkwater, je les préfère en version américaine. Oh non! Ah, je te jure que ouais, parce qu'en fait tu te fais chier dans les versions japonaises en vrai. Mais c'est ça qui vient. C'est bien de se faire chier, ouais. C'est bien construit alors que les. Non, c'est ça, non, c'est... Encore, c'est le The Ring. Le The Ring est bien fait à l'américaine, il y a un bon truc. Surtout les trucs genre The Grudge. Mais The Grudge en japonais. J'ai adoré la série Les Origines, Junji. Ah, j'ai pas regardé ça, mais. C'est vrai que c'est long, c'est, on s'ennuie un peu, mais en fait, il y a vraiment cette intrigue qu'on a de A à Z et qui est géniale, en fait. Ouais, moi, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est vrai que c'est vraiment d'action. Et après, bon, bah, de toute façon, moi, ce que je considérais comme horreur véritablement, ouais, ce serait genre des histoires de fantômes ou des machins, des trucs comme ça, et j'en ai pas vraiment qui m'ont bloqué. L'autre penchant de l'horreur que j'aime beaucoup, c'est celle où il y a des monstres et des trucs comme ça, mm-hmm. mais du coup, enfin, je sais pas, je... C'est pas comme je... Zéro, il y a Stagnance, oui, ouais, c'est ouais, voilà, vite fait. Mais ils doivent affronter des trucs, mais c'est pas normal. Mais bon, voir, mais comme tu dis, c'est vraiment en fonction des gens. Ça, quoi. Ça, et après, ce qui est bien aussi dans les mangas en général, et même dans les comics, c'est que d'un tome ou d'un chapitre à l'autre, tu peux avoir des ambiances différentes et te retrouver dans des ambiances un peu horreur. Donc tu l'as c'est dit sur Full Metal, oui. alors que c'est pas c'est du pas tout le, temps, le but, mais le y a but de l'histoire. Y a des épisodes donc en fait, tu peux, avoir, tu peux explorer des autres, d'autres types. Quoi, tu vois. Bah, par exemple, Mirai Nikki, je sais pas si vous avez lu ou vu, il oui. y a des passages qui sont très sombres et qui font limite de l'horreur. C'est quoi. Gore, ouais, c'est gore. Ouais, c'est... FN Lead, ouais, c'était bien ça. Ton animé, calme-toi. Les deux openings se ressemblent en plus, ouais, je trouve, pour le cas. C'était abusé, mais parce que du coup, là, j'étais en train de faire la vidéo pour Mirai Nikki, en la relisant, il y a des passages qui m'ont choqué, vraiment, qui m'ont choqué. Moi, je m'en souvenais plus, j'ai relu, j'étais en mode, ah ouais, c'est du shonen, mais enfin... Seinen, du coup. Ouais, voilà, tu as dit, enfin, l'histoire de base, c'est du shonen, mais des passages, ils sont tellement violents et tellement trash, ou... Enfin, ils butent des enfants, quoi, clairement, tu vois, t'es en mode, ah oui, quand même, c'est pas... Et ça reste du shonen, tu vois. Comme pour, pareil, Fullmetal Alchemist, t'as des passages très sombres. T'as tellement de trucs T'as des passages très sombres, ouais, et des... Enfin, quand tu regardes comment ça commencé à amener, voilà. C'est pas explicite, enfin, tu vois, ça... Enfin, c'est là la différence aussi entre shonen et seinen, c'est que sur le shonen, ça restera pas explicite, quoi. Oui, voilà, ouais. Si t'as pas les références culturelles derrière, tu peux te dire, bon, oui, non, mais même dans le visuel, je veux dire, un bras tranché, bah, tu auras du sang tout noir, tu vois, ou ce genre de choses, quoi. Il est relativement censuré aussi dans les... avec les zones d'ombre et tout, tu vois pas tout. Alors que dans du Berserk, un bras, bras coupé, ben, voilà. Tu vois l'os, tu vois les veines, tu vois. Ah ben, Hubbleblatt, et je pense que. Hubbleblatt, ouais. J'ai pas tout dit, mais Claymore, c'est très noir, tu peux presque en avoir. Tu vois, Claymore, c'est considéré comme un shonen, pas un seinen. Non, c'est un seinen. À partir du moment où t'as du sang, c'est du seinen. Ouais, après, c'est parce que sur la classification chez eux, ils considèrent ça en shonen. Moi, je l'ai en. Moi, je peux te dire que même là où je l'achète, ils l'ont classifié. Ah ouais, ben pourtant, moi, je suis en vieille version, parce qu'il y a marqué dessus, il y a marqué. Ouais, dès que ça devient un peu explicite, c'est. Ah, peut-être qu'il y a eu une nouvelle classification aussi. Peut-être aussi, c'est pour ça, ouais. Ils ont mis à jour. Oui, les gamins après, aujourd'hui mais... sont plus barbares. Je suis d'accord avec lui parce que par exemple, je prends Jojo Bizarre Aventure. C'est au début, c'est classifié en shonen et après, c'est passé en seinen aussi. Donc peut-être qu'ils ont changé la classification aussi pour certains moi, mangas. C'est juste un bizarre Jojo. c'est dans le terme. Ouais, c'est dans le nom. Là, ils vont mettre un shonen sur l'application et voyons. Non mais voilà, c'est pour ça, c'est juste que selon la classification, peut-être les régions aussi. Peut-être enfin, que pour au Japon, c'est considéré comme du shonen et chez nous du seinen. Moi, je regarde ta bibliothèque, là, je vois un manga donc seinen, c'est Made in Abyss. Oui. Ouais, mais alors est-ce que c'est l'horreur ? Alors c'est pas l'horreur pure, mais quand même c'est très gore, je trouve. Ouais, on c'est dans vrai. Du gore. Voilà. Oui, oui. En plus, on a le côté hyper gênant. C'est que ce sont des enfants. Ouais. En fait, le truc dans Made in Abyss, c'est que c'est un type de d'horreur encore, tu vois, autre chose que les esprits, les meurtres, les thrillers. Déjà, on est dans un gouffre, donc on est. Ouais, voilà, c'est comment le ce serait du survival en fait. Ce serait un peu du survival quoi. Ouais, genre, ils partent en fait. À l'aventure et il leur arrive plein de merde. Là, pour le coup, il leur arrive plein de merde et on voit tout quoi. C'est ça. Donc, ouais, pourquoi c'est pas. C'est comme Promised Neverland. Les premiers tomes, l'ambiance que ça te met dans le premier tome. La saison 1, surtout. J'ai pas vu l'anime donc j'ai. Je parle par rapport au manga papier, ouais. Même si après ça s'étouffe un petit peu, je trouve, c'est moins trash et tout. C'est lissé. Ouais, voilà, ouais. C'est lissé. Départ, oui, au début, c'est vraiment, t'es sur le cul, quoi. C'est plus les mêmes intrigues. Ouais, voilà. C'est juste ça. Parce que là, en gros, le premier arc de Promised Neverland, c'est que c'est de la survie. Oui. En fait, tout simplement. Enfin, c'est de la survie, c'est surtout échapper à une mort certaine. Oui. En fait. Ouais, mais il y a une intrigue un peu thriller, justement. On est dans un orphelinat, il y a quelque chose. Non, mais alors là où je te rejoins sur la première saison de l'animé, ouais, du coup, ça, et donc c'est les premiers tomes, il y a vraiment un côté horreur dans le sens où on a une menace qui est invisible, que les enfants découvrent petit à petit, mais que t'as une partie des enfants qui n'en ont pas conscience. petit à petit tu comprends que, bon, enfin on va pas spoiler pour ceux qui veulent voir, bah, mais, de toute manière on a déjà fait deux lire en bulle sur sur Promise Neverland, donc on va pas remettre dessus, okay. Ouais, c'est, non, mais on peut le catégoriser, je pense, dans l'horreur, et c'est plutôt sympa au moins pour le début, malheureusement, ouais. Mais la suite bon, la suite j'ai bien aimé, mais du coup la suite fait très shonen justement. Et plus c'est plus ça perd cet esprit là qu'il avait au début, je trouve. No spoil, je viens de l'acheter. L'avant-dernier, du coup. Parce que le dernier, je l'ai pas acheté. Et je pense que sur ce, on va passer au niveau du dernier sujet. Du dernier sujet. Et c'est parti pour la dernière partie. Alors après les mangas de l'horreur, on va parler des jeux vidéo pour jouer pour Halloween. Et ouais, parce que du coup, bah, Covid oblige, c'est un peu compliqué de sortir en ville pour aller fêter Halloween. Donc du coup, bah, pourquoi pas se retrouver soit en couple, soit solo, soit avec des potes pour faire une soirée jeux vidéo. Attention, alors, des potes en ligne. Trop de potes, voilà, parce que c'est pas Covid. Alors, c'est pour ça, non, c'est que j'ai choisi des jeux vidéo qui sont en ligne et pas en split screen ou en LAN, hein, justement. Sauf pour madame, plus, les split screen. Il paraît que le prochain Halo va sortir en split screen, comme à l'époque, hein, mais c'est pas difficile. Bon bref, dans tous les cas, tout ça pour dire qu'est-ce qu'on. Je vous ai fait une petite sélection en fait de petits jeux sympas pour savoir, pour pouvoir un petit peu être dans cet esprit Spooktober. De l'octobre où on se fait un peu peur, et donc du coup j'ai commencé par par un survival qui peut être pas mal. Alors survival dans le sens où c'est le genre de jeu où vous êtes lâché dans la nature, il n'y a pas de but, et faut construire des trucs pour en survivre et tout ça, à la manière de un des plus célèbres, on va dire, c'est DayZ, comme vous voulez. Moi ce que je conseillerais dans cette catégorie là c'est The Forest, qui est vraiment très bon. Où en fait on est des survivants d'un crash d'avion sur une île, une forêt, enfin voilà quoi. Ça s'appelle Lost, ça a été scénarisé par J.J. Abrams. Ouais, mais alors du coup non, parce que là direct en fait t'as une oppression, puisque tu te retrouves, c'est plutôt comme The Village en fait, puisqu'en fait tu vas te trouver quand tu vas commencer à bouger en fait de la plage. Tu vas trouver des structures un peu comme The Village, tu vois, des trucs en bois et tout ça, et puis tu vas tomber sur sur des gens un peu chelous qui vont au début pas t'attaquer, puis ensuite t'attaquer, enfin voilà, et c'est plutôt cool à jouer entre potes. En solo c'est bien, mais entre potes c'est encore mieux. Je te coupe parce qu'il faut quand même expliquer, il y en a qui ont PLS de Nassari depuis tout à l'heure. Alors rassure-toi Adri, j'en ai un dans le même genre mais qui est plus gentil et plus cool, c'est Grounded. Grounded, c'est le même principe, vous êtes lâché dans la nature, il y a pas vraiment de but, mais il y en a un petit peu quand même. Et là, le thème, lui, c'est Chérie, j'ai trissé les gosses. En fait, vous êtes des gamins dans le jardin d'une maison, avec. Vous êtes vraiment minuscules, parce que les fourmis, pour vous, elles sont gigantesques. La moindre brindille d'herbe est gigantesque, et en fait, vous allez essayer de trouver comment. Alors, c'est en early access encore. Mais ils font quand même des mises à jour régulières, et vous allez essayer de comprendre comment est-ce que vous êtes arrivé là, et puis vous explorez ce jardin là, vous êtes traqué par des araignées, faut fabriquer des petits marteaux, des machins, des c'est trucs. Minimo, ouais, mais Chérie, j'ai rétrécé les gosses, t'avais jamais vu? C'est un vieux film, plutôt années 80. Ouais. Moi j'ai vu. Mais c'est plutôt un classique, et en fait ça reprend un petit peu. Ouais, il y a même un 3 avec Chérie, j'ai agrandi le bébé. Donc voilà, c'est un peu ces films-là, fin 80, début mi-90, tu vois. Et ça reprend un peu, tu vois, cette histoire où en fait là tu joues des gamins pour le coup. Tu vas essayer de te bricoler une cabane, un truc, courir quand t'as des araignées qui te traquent. Si tu vas trop profond dans une fourmilière, là t'as les soldats, ils vont aller te taper parce que t'as rien à foutre là. Sauf si tu fabriques le truc qui fait que t'as les. Enfin voilà, il y a plein de trucs, donc c'est plutôt cool, ça se joue à 4 aussi, comme The Forest, donc plutôt sympa. Je pars sur les survival solo maintenant. Je ne pouvais pas ne pas parler des Resident Evil. C'est toujours bon de se refaire un classique, que ce soit un film ou un jeu. Mais du coup, là, je sélectionne, je vous conseille le 2 qui a été réédité l'année dernière, qui est plutôt bien. Le 3, bon, on va dire que si vous le trouvez à 15 balles, ça ira, mais à plein prix, non, ça va pas du tout parce que le jeu est trop trop court. Autant le 2, ils ont tout refait, il est complet. Autant le 3, bah, il est très très court et à 60 balles, ça le vaut pas. Mais par contre, s'il y a un Resident Evil que je peux vous conseiller pour vous mettre vraiment dans le mood horreur, c'est le 7. Et vraiment, le 7, vous vous chiez dessus de A à aller F. Parce que, en fait, pas jusqu'à Z, parce qu'au bout d'un moment, bah, forcément, comme dans tous les Resident Evil, tu commences à choper des grosses armes. Ouais. Et tout devient un peu plus facile quand t'as des gros flingues. L'autre aussi qui est dans le même style, c'est Alien Isolation. Oui. Ah oui. Celui-là, tu flippes à chaque fois. Si vous avez adoré Alien 1, Alien 2, c'est typiquement dans le thème. Le Alien Isolation, vous jouez la fille de Ripley, l'héroïne du 1, enfin l'héroïne des Aliens, qui recherche sa mère, qui est portée disparue après l'histoire du Nostromo, donc du 1, et elle se retrouve sur une station où a priori des rescues, enfin des sauveteurs auraient ramené des pièces du Nostromo ou quelque chose du Nostromo ou de la planète de là-bas, et ça part en live total. Forcément, il y a des aliens, il y a des robots, les androïdes ils se froid dans le dos. Mais une nouvelle fois, arrivé aux deux tiers du jeu où tu commences à avoir le lance-flamme et tout ça, ça devient shoot them up quoi. Enfin, tu vas pas tuer les aliens, en vrai tu les tues pas. Tu les tues pas, mais le lance-flamme, t'as pas assez de munitions au bout d'un moment quand même. Oui, les munitions, ouais, mais ça te permet en fait de facilement t'esquiver de la pression en fait, je trouve. T'as une vraie pression sur les deux tiers. La première partie du jeu où là tu peux vraiment rien faire puisque t'as des armes mais elles servent à rien. Et là tu te chies vraiment dessus, surtout que c'est super bien fait, le niveau horreur, l'ambiance et tout ça. Tu te planches chez toi dans le noir, tu flippes. Ouais, en vrai, celui-là il est vraiment très bien. Non, mais je le ferai pas. Mais si, vas-y, je le ferai pas. Moi, mon confinement, je l'ai passé dessus, c'est bien, tu vas voir. Non, toujours pas. Un autre petit jeu aussi qui est sorti il y a pas longtemps, que je vous parle vite fait, c'est Made of Scare. C'est un jeu dans la lignée des Amnesia et des Outlast. Donc là c'est du 100% horreur méga, où en fait t'es balancé dans un manoir un petit peu côté Cthulhu aussi, où t'es balancé dans un manoir où il y a des trucs à enquêter, voilà quoi. Donc ça, Made of Scare, pareil, qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est plutôt pas mal, je vous conseille aussi. Si vous voulez jouer en groupe, que vous avez des potes, vous dites merde, ce soir on peut pas se faire une soirée Halloween et tout ça, ben vous pouvez la faire derrière votre PC ou derrière votre console. J'ai choisi des jeux qui sont cross-platform. Le premier pour moi qui est excellent, c'est Dead by Daylight. Vous pouvez y jouer. Il y a pas un qui joue un psychopathe ou un truc comme ça ou... Alors c'est ça, en fait c'est un multiplayer asymétrique, c'est à dire qu'en fait il y a deux équipes, mais il y en a un qui joue tout seul et qui joue le tueur, et un qui... et quatre autres qui vont jouer des survivants. C'est un peu sur un système un peu comme je sais pas si vous avez vu ce film de Josh Whedon qui s'appelle La cabane. La cabane dans les bois. Ah, il est génial. Ce où film. En fait c'est un espèce de parodie de ça. Mais Dale Balela, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a quatre survivants qui sont balancés dans une espèce d'arène. Et ils doivent trouver le moyen d'en sortir. Donc généralement c'est, enfin dans toutes les arènes c'est pareil, il faut trouver des générateurs, faut en activer 5, aller vers la porte et se tailler. Et pendant ce temps-là, le tueur, lui, doit les attraper et les sacrifier à l'entité. C'est vraiment très fun, parce que du coup, quand vous jouez entre potes et que vous êtes 4 survivants, vous jouez sur Discord, vous pouvez mettre le 5e qui est un tueur, vous faites une tournante comme ça. Et en plus, t'as différents styles de tueurs et que t'as fait des. C'est ça aussi, c'est qu'en gros, alors je sais pas trop comment ça fonctionne en termes de licence, mais en fait, ils utilisent énormément de survivants et de tueurs qui sont issus de la pop culture. Par exemple, tu vas avoir le Leatherface, donc le mec de Massacre à la tronçonneuse. Tu vas avoir Mike Myers. Oui. Tu vas avoir, tu vas avoir le Demogorgon de Stranger Things. Et de l'autre côté, tu vas avoir les personnages de ce même univers. Tu vas avoir, par exemple, Ash de Evil Dead. Tu vas avoir, un personnage de The Office. Tu vas avoir, Dwight en fait. Ça, Dwight, personnage. Ça, c'est des modes créés par les joueurs. En fait, alors le défaut du jeu, c'est que il est payant de base. Vous avez accès à quand même pas mal de tueurs et de joueurs, mais le truc c'est qu'il sort des DLC à 5-10 euros tous les... Bah là il y en a un qui est sorti il y a pas très longtemps avec un nouveau tueur d'ailleurs, qui rajoute des tueurs, qui rajoute des persos. Mais l'avantage c'est que si vous jouez à plusieurs, vous avez accès à un grand nombre de tueurs et de survivants, donc il y a moyen de vraiment s'éclater quoi. Et chaque tueur a un gameplay différent ou c'est... Ouais, ouais, alors en fait c'est un système, alors il y a des gameplays différents, ouais, pour tous les tueurs, les survivants en général aussi, mais c'est un système un petit peu où tu vas devoir choisir tes perks, en fait tu vas devoir choisir tes talents et tes, okay, actions, et tu vas construire en fait ta puissance on va dire, et ton expérience comme ça quoi. En FPS ou... Alors le tueur est en FPS. Okay. Les survivants sont en TPS. D'accord, du coup, okay, c'est assez marrant parce que, en fait, la vision du tueur, parce que sinon, ce serait beaucoup trop facile pour le tueur. Ouais. La vision du tueur, elle est limitée au, ouais, cône du FPS, tu vois. Donc des fois, toi, tu peux sneaky en survivant, être dans le dos du tueur, tu vois. Ah, il m'a pas vu. Puis s'il tourne, tu tournes aussi. Et ça donne des situations où tu tapes des barres de rire, mais aussi où tu cheats. Parce que t'es tranquille. Et puis t'as certains tueurs qui sont ou invisibles ou silencieux et qui t'apparaissent dessus. Et du coup, tu vas courir pour sauver ta vie quoi. Donc là pour le coup si vous voulez jouer à plusieurs, il m'a toujours tenté ce jeu en plus. Ah, il est vraiment bien, il est vraiment pas cher. Après c'est juste qu'il y a plein de DLC mais vous n'êtes pas obligé de les faire, pas obligé de les acheter, sauf si par exemple moi je parle de mon cas, il y a des survivants ou des tueurs qui m'ont plu, j'ai pris ce DLC là. Mais ça vous empêche pas d'accéder au reste du jeu, c'est à dire si vous n'avez pas les autres DLC, vous tomberez quand même contre des tueurs qui sont issus du DLC. Toutes les arènes sont disponibles pour tout le monde, de même que vous pourrez être avec des survivants qui sont issus de DLC que vous n'avez pas. Donc ça pour le coup c'est bien, c'est cross-platform, donc si vous êtes sur console ou sur PC vous pouvez y jouer. Il y a une version mobile mais elle n'est pas compatible avec le reste. Donc voilà, donc là c'est bien. Et du coup ça m'amène au suivant qui est Among Us, qui est un petit jeu qui a refait surface là il y a quelques mois. C'est basiquement un loup-garou où en fait vous incarnez une équipe sur un vaisseau spatial ou une station spatiale qui doit donc faire ses affaires de maintenance et tout ça, et parmi les 10 bonhommes, enfin donc vous pouvez choisir le nombre que vous êtes, mais parmi les 10 bonhommes peut y avoir 1, 2, 3 tueurs, ça c'est vous aussi qui définissez. Et donc comme sur le principe du loup-garou, vous faites vos tâches et si vous découvrez un cadavre, il faut convoquer tout de suite le conseil. Et là, ça part en discussion. À jouer avec des potes sur Discord, c'est génial. C'est un régal, c'est un vrai loup-garou. Tout le monde va défendre son pain. En même temps, il y a les tueurs. Enfin voilà, si vous allez jouer au loup-garou, c'est le même principe, sauf que là, il y a le côté SF. C'est un mini-jeu qui a 4 euros sur Steam. Mais vous pouvez le trouver bien moins cher sur d'autres sites tiers dont j'avais parlé la dernière fois. Et c'est pas légal. Enfin. C'est limite, donc on n'en reparle pas. Et c'est gratuit par contre sur Android. Oui. Sur Apple aussi. Ouais, sur Play d'accord. Aussi. Bah, c'est gratuit sur mobile et c'est compatible avec la version PC. Donc une nouvelle fois, vous pouvez y jouer ensemble. Et ce qui est mieux par rapport au loup-garou, c'est que t'as vraiment des trucs à faire. T'as pas juste à attendre. Ouais, que... voilà, c'est vraiment interactif, même quand t'es mort, t'as des trucs à faire. Le but du jeu, c'est que ceux qui ne sont pas tueurs, c'est qu'ils réussissent à faire toutes leurs tâches pour gagner. Exactement. Et du coup, la partie en fait. En fait, à chaque tâche que tu vas faire, tu vas remplir une jauge. Et quand la jauge est remplie, c'est-à-dire que tout le monde a fait ses tasks ou un certain nombre de tasks, vous avez gagné. Et donc là, le tueur, il a ce temps-là pour vous tuer. Donc ça, bien fun, franchement il y a moyen de passer une bonne soirée. Je note aussi un autre jeu qui est sorti en Early Access il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Phasmophobia. Et le principe me plaît, je ne l'ai pas acheté encore, je pense que je vais m'y mettre. C'est un jeu où en fait vous faites des Ghost Hunters, vous êtes des chasseurs de phénomènes paranormaux dans des manoirs, dans des machins. Et donc vous jouez à 4, bon ça par contre là Adrien c'est pas du tout pour toi. Et donc du coup là on est vraiment un peu sur les dossiers Warren quoi, on est à 4 du coup dans une maison et chacun, il y a des énigmes à remplir, il y a des trucs paranormaux et tout ça. Ça, franchement c'est pas mal, ça m'a bien hypé, donc je pense que je m'y mettrai, pourquoi pas, ça peut être l'occasion. Donc ça c'était pour les party games, il y en a plein d'autres, mais pour moi ce sont les meilleurs où vous allez passer une bonne soirée. Et après si vous êtes solo à la maison, ou en couple et qu'il y en a un qui joue et l'autre qui regarde, il y a quelques petits jeux sympas. Alors, petits jeux, non, parce que le premier que je vais vous dire, c'est Last of Us 1 et 2. Pour passer une bonne soirée, c'est comme si vous regardiez un film, mais qui dure longtemps et qui est très bien aussi. Donc, je vais pas faire une énième présentation de Last of Us, mais vous pouvez le mettre dans la liste. Un autre petit jeu qu'on a tendance à oublier, ça s'appelle Until Dawn. Ah oui. J'ai tué tout le monde. Ah, voilà. Bravo. Bravo. Eh, c'est quand même dur à faire quand tu fais pas exprès. Ouais, j'avoue. Non, en plus, je vais le sauver et tout. J'étais fier de moi. Donc ça, c'est un jeu vraiment cool qui est construit comme une série en fait. Mais t'as Man of Medan, qui est beaucoup moins bien, je trouve. J'ai préféré Until Dawn. Oui. Mais c'est dans un bateau, donc. Mais après, Man of Medan, c'est une licence parce qu'il y en a un deuxième. Bah en fait, c'est. Du coup, pour expliquer vite fait ce que c'est Until Dawn, c'est en fait un. Ça commence. En fait, c'est construit comme une série et c'est genre un groupe d'ados qui se retrouvent après leurs études dans un chalet à la montagne. Ouais, pour fêter une fête de la fac, une carrière comme ça. Non, c'est l'anniversaire de Ashley qui était. Ah oui. Non, c'est alors attends, il n'y a pas une histoire d'une fille qui a disparu. En fait, elles sont mortes. Oui, voilà. Oui. Tu commences en fait avec le meurtre, ça dépend du choix que tu fais comme témoin, comme moi, tu tues tout le monde. En fait, ça commence avec le meurtre de deux sœurs. Voilà. Enfin, le meurtre. La mort, on ne sait pas en fait. Ouais. Et tu reviens un an après. Voilà, en fait, c'est ça. Célébrer, même si. Non, en fait, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est genre un rituel qu'ils avaient tous d'aller dans ce chalet. Et il y a une année, il y a eu deux sœurs qui sont mortes. Ouais. Et l'année suivante, ils reviennent. Et donc, disparues, en fait. On dit qu'elles sont mortes, mais elles sont disparues. Ouais, enfin, tu les joues au début. Donc, du coup, ils reviennent à ce moment-là l'année suivante. Et là où c'est bien construit, c'est que vous allez jouer différents personnages au fur et à mesure de l'avancement de l'intrigue, et tous ils ont des relations, des connexions entre eux, au lieu, aux personnes disparues. J'ai trouvé ça, ça a été une grosse surprise en vrai, parce que je l'attendais pas du tout ce jeu, et j'ai vraiment kiffé. La très bonne chose, c'est le psy que tu vois tout le temps, et te demande ce qui t'effraie ou pas. Exactement. Et le jeu joue sur ça. Parce qu'en fait, les choix nous appartiennent en fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va améliorer les relations ou les détériorer, ça va vraiment dépendre. Ah, détériorer. C'est ça qui est génial en fait. Et ça, ça t'appartient en fait. En solo, c'est trop bien, et je trouve que typiquement, c'est un bon jeu de couple aussi, parce que tu peux en discuter avec ton conjoint, genre, ah, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, enfin voilà. Et ça se joue comme tu mates une série, sauf que là, t'es actif. C'est une sorte de film interactif. Ouais, c'est ça, c'est un film. Moi, c'est un film interactif avec des phases d'action. C'est un film interactif, ouais. Tu explores aussi quand même, tu bouges pas mal. Le gameplay est fait pour ça aussi. Oui, c'est des vrais acteurs, de toute façon. Oui, c'est des vrais acteurs. Et tout se joue dans le scénario, plus la mécanique du jeu et tout. Ouais, c'est ça, la mécanique du jeu. Par contre, je préviens, il ne faut pas s'endormir parce qu'il y a des moments où il faut toucher parce qu'il se passe des choses. Mais tellement quand c'est TPE ou quoi. Il y a des QTE. Des QTE. Ouais, t'es encore fermé, toi. T'as pas compris, mais tellement bouge plus. Ouais. Donc Until Dawn, bien sympa. En plus, il est sorti il y a quelques années, donc il y a moyen de le trouver à pas cher. Il est sur PS4 et sur PC, je crois. Je crois que c'est une exclu PS4. Hein. Ah ouais, je crois qu'il est que sur PS4. Je crois que même si vous avez eu le PSN. Moi, c'est le PSN, mais oui, mais c'est un temps. Si il y a le PSN Plus, voilà. Il était gratuitement. Là, je l'ai eu. Après, alors. On peut, c'est Halloween, on peut ressortir aussi les vieux jeux, on n'est pas obligé d'en acheter. The Witcher 3. Vous pouvez faire la section avec. C'est bien dans l'horreur, on est bien dans le truc. Until Dawn, c'est une exclu PS4. Hein. D'accord, tu fais bien de le préciser, très bien. The Witcher 3, vous pouvez y jouer n'importe où, même sur la Switch. Ouais. On est dans un concept horreur, hein. Je ne vais pas faire la présentation, vous avez la série ou pas, voilà, c'est bien. Les livres. Sinon, il y a les livres aussi, hein, bien sûr, mais bon, voilà. Et alors, une petite proposition aussi, faire ressortir Skyrim et le faire en mode nécromancien. Voilà, c'est typiquement Halloween et c'est vraiment trop cool. Ah, mais pas nécromancien, c'est relou. Moi j'invoque des atronaches, c'est mieux. Voilà. Des dreadras. Alors, du coup, nécromancien, vous allez tuer tout ce qu'il faut pour les relever. Ouais. C'est très fun et c'est très Halloween. Moi je trouve ça cool. Si en plus vous mettez des modes où vous avez une tête de citrouille, c'est encore mieux. Et alors, par contre, je voulais finir cette présentation, cette liste, par pour moi ce qui est un des classiques de l'horreur, c'est Dead Space. Vous pouvez ressortir Dead Space sur votre soirée d'Halloween. Le 1, le 2, le 3, c'est pareil. Le 1 est encore mieux, bien sûr, mais c'est un vrai classique. Vous jouez à un espèce de un ingénieur en fait qui est envoyé sur un vaisseau qui est en perdition en orbite d'une planète minière. Et vous débarquez sur ce vaisseau, le Ishimura, qui est gigantesque, vraiment gigantesque. Vous devez remettre le courant et en fait ça part en vrille et vous vous retrouvez dans un délire à The Thing un peu, avec des monstres partout, complètement difformes, absolument malaisants, qui vous coursent, qui vous défoncent. Mais en même temps, lui, il a une armure super badass d'ingénieur, il a des armes. Vous ne tuez pas les bestioles en leur tirant dessus, il faut leur couper les membres. Donc vous avez des armes avec des cutters laser et tout ça. Les décors sont juste trop bien. Enfin, vous êtes vraiment dans un vaisseau spatial d'horreur. C'est crade, il y a des bruits. Voilà. Donc Dead Space, petit classique à ressortir aussi des cartons. Ouais. Moi, si je dois en sortir un aussi, un peu à la sauce Resident Evil, c'est The Evil Within. Ah ouais, Evil Within est pas mal, ouais. Qui est vraiment dans le 2, j'ai pas joué, mais le 1, j'avais adoré. Il y a un petit côté genre Van Helsing et tout ça, là, sympa, ouais. Enquête et tout, plutôt cool, ouais. Et après, dans le style de Until Dawn, qu'on parlait tout à l'heure, il y a Man of Medan, qui est aussi fait par le même réalisateur. Ok. C'est le même principe. Ils ont repris la même mécanique. Ouais. Dans le même version. Oui. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que le jeu coûte quasiment rien. Je crois qu'il doit coûter 10 ou 15 euros sur PS4. Et il y a des DLC gratuits qui devraient s'ajouter normalement. Et le premier aurait dû sortir en octobre. Le premier DLC devait sortir en octobre. Je crois qu'il est un peu décalé. Ouais, du coup, toi, Laura, un jeu d'horreur peut-être qui t'aurait marqué? Mais moi, c'est Until Dawn. Et justement, D'accord. J'aime beaucoup quand on fait de nos propres choix. Ouais. Parce que du coup, j'ai l'impression que l'histoire nous appartient un peu. Donc on est vraiment intégré dedans. Après moi, les autres jeux, je suis pas doué en fait. T'es pas doué, je confirme. Parce qu'avec les déjà, les QTE, peu, t'étais pas doué. Ah, ouais, alors... Non, mais je suis en panique totale, mais quand il faut tirer tout ça, je suis nulle en fait. D'accord. Et bon, c'est mon défaut. Après, je préfère tout ce qui est Until Dawn, j'adore. Vraiment, c'est dans une ambiance où on choisit nous-mêmes. Et ben je suis totalement d'accord avec Laura, je crois que Until Dawn c'est... Oui, non, déjà les FPS ça a jamais été mon truc. Ah non, d'accord. Mais attends, c'est pas forcément FPS, hein, Resident Evil c'est pas du FPS. Oui, mais bon, Until Dawn c'est quand même un des meilleurs jeux qui m'a fait le plus flipper que j'ai terminé. Ah, d'accord. Ouais, non. Ça, faut vraiment par contre le noter, c'est que Jeff a fini le jeu. Mais après, ce qui est bien, c'est avec ces jeux, c'est qu'on peut les refaire. Et oui, d'autres, parce que je crois qu'il y a plus d'une, il y a plus de 20 fins possibles. Il y a trop de. Et toi, Adri, t'en as À part Resident Evil que j'ai déjà joué. Ça, c'est vraiment pas ton truc, hein. Non. Alors, je finirai juste la chronique en disant que si vous n'avez pas les moyens, parce que vous n'avez pas un bon PC, vous n'avez pas une console, il y a toujours moyen d'aller sur Twitch. Il y a énormément de mecs et de filles qui font du stream sur des jeux d'horreur et franchement, ça vous donne une idée. Du jeu, mais du coup il y a une espèce de petite interactivité aussi, puisque la plupart vont surjouer la peur et tout ça, et ça peut être fun aussi à aller sur Twitch pour regarder ce genre de choses. Et écoute, sur ce je pense qu'on va clôturer cette émission qui est une bonne émission. Merci d'être venu et merci à toutes et tous de nous avoir entendus, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat comics. Bye bye, bye. Ciao.